Et voici maintenant une compilation des meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou, diffusées tous les jours du lundi au jeudi, soit Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le Dîner de cons de 11h à 13h. Bonne écoute! Il a réussi à se rendre. Oui. Jimmy Thibodeau et sa chronique, c'est dans le monde que ça se passe. Bonjour à toi. Eh oui, bonjour. Hello. Bonjour. Hello. L'humeur est pas trop pareil, congelée. Hein? Ah non, ça va. Ça a dégelé, ça a dégelé. Ouais, on parle d'actualité, je dirais qu'il passe sous le radar. En fait, c'est pas mal le slogan qu'on a trouvé pour cette chronique-là. On parle d'habitude d'actualité qui est un petit peu moins explorée par d'autres chroniqueurs d'actualité à travers Assemblage Requis parce qu'on a beaucoup. Hein? C'est vrai. Tout à fait, mais bon. Cette semaine, je vais vous parler de journalisme, plus particulièrement le journalisme d'ici et d'ailleurs. En fait, côté médias et journalisme, il y a plusieurs problèmes qu'on peut explorer. Il y a la concentration des médias, la marchandisation des nouvelles, ou encore le sensationnalisme, plein de choses. Mais aujourd'hui... On parle juste d'un seul journal avec tout ça, en passant. On vise vraiment, tu sais, le journal. Ouais, c'est ça. On ne le nommera pas. Non. Mais vraiment, c'est généralisé. Et puis, cette semaine, je vais vraiment me concentrer sur les compétences de nos journalistes. L'incompétence ou les compétences, c'est ça? Les. J'ai dit les compétences, mais je me dirige peut-être plus vers incompétence dans ma chronique. Si le chapeau leur fait, hein? Ah. Ouais, comme c'est on ça. Dit. Exactement. Ouais. Qu'est-ce qui m'a fait penser à ce sujet-là? D'abord, c'est vraiment une nouvelle qui est sortie cette semaine. À Fox News, le réseau sport de Fox News, il y avait une émission de basketball et puis là, il y avait un des animateurs qui disait « Regardez ce joueur-là, il vient de Saskatchewan et puis évidemment, Saskatchewan est connu pour ses nombreux Sasquatch. Hein? C'est de là que vient le nom. » Ben oui, c'est sûr, ben oui. Les Sasquatch, les Yetis, il y a d'autres noms pour ça, c'est quoi, bonhomme de neige, bonhomme des... C'est abominable homme des neiges. Il y a comme un autre nom en plus, il y en a comme 3 ou 4. Bref, non, mais il y a plein Sasquatch. Les Sasquatch, ils se cachent dans un tas de bleu dingue, vous ne saviez pas? C'est clair. Ah ben oui, c'est clairement. Non, mais voilà, donc c'est ça qui m'a fait penser à ça. Et pourquoi c'est important, la compétence de nos journalistes? La raison est fort simple. Aujourd'hui, en 2016, on n'a plus d'espace public. Et l'espace public, c'est quoi? C'est un endroit où les citoyens peuvent échanger des idées. Pour ça, de faire une opinion sur différentes choses. Dans la Grèce antique, c'était l'agora dans la ville. Et tout le monde pouvait se rassembler. Au Moyen-Âge ou à la Renaissance, c'était la place publique avec les héros qui criaient des messages. Mais aujourd'hui, on n'a plus ça. On n'a plus d'endroit où nécessairement échanger tout le monde ensemble. Et ce qui remplace ça, d'une manière plus ou moins imparfaite, c'est les médias. Ouais. Et c'est là qu'on est censé s'exprimer, c'est là qu'on est censé s'informer. Et souvent de façon anonyme, donc les gens disent n'importe quoi. Oui, ça c'est un autre sujet, effectivement. Et puis les médias, vu qu'ils ont pris cet espace public-là, alors ils ont une importance vraiment capitale pour aider un peu notre démocratie, parce qu'il n'y a pas de démocratie si nos citoyens ne sont pas informés, s'ils ne sont pas conscientisés, sensibilisés à propos de différents dossiers. Donc c'est super important. D'où le besoin d'avoir de l'information de qualité et la bonne information. Mais est-ce qu'on a aujourd'hui des journalistes pour ça? En tout cas, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a peut-être des journalistes compétents, mais on a aussi un grand lot de parfaits incompétents, si on peut dire c'est ça comme ça. À la défense, je me porte à la défense du gars de Fox Sports, peu importe, là. C'est quand même pas un journaliste, c'est juste un commentateur sportif. C'est juste un commentateur sportif, c'est pas ça que je veux dire. Je suis tellement content que tu me dises ça parce que. Je voulais pas dire ça, je voulais dire que ce n'est pas un journaliste. C'est tout, je vais arrêter ma phrase. J'ai toujours dit, honnêtement, je dois l'avouer, OK? J'ai fait des études en animation radio, en animation de télévision pour faire des reportages et j'ai toujours dit que je n'étais pas journaliste. Oui. Tu es quoi? Animatrice. Animatrice. Voilà. C'est très différent. Oui, tout à fait, parce que journaliste demande une certaine rigueur, alors qu'animateur ou commentateur, un peu moins. C'est ça. Mais on s'attend à ce qu'il y ait les faits sur les joueurs de basket, mettons. Pas nécessairement sur la géographie, mettons. Voilà. Ou les Sasquatch. Oui, c'est ça. Mais je m'en allais toujours tout à fait vers ça. Et puis, c'est pour ça que j'avais une autre nouvelle super intéressante sur Fox News à vous partager. C'est pour ça que la fille soit toujours Fox News, ça me fait plaisir. Mais c'est ma dernière sur Fox News. Après, il y en a plein d'autres. Après, c'est le Journal de Montréal. C'est ça. Pareil au même, en fait. Ouais. En fait, pour Fox News, il y a un dossier vraiment extrêmement intéressant qui s'est passé après les attentats de Charlie Hebdo. On le sait, là, il y a beaucoup de sensationnalisme qui est arrivé avec ça. Mais Fox News, ils ont poussé ça jusqu'à un seuil, jusque-là, inobservé. ils ont été jusqu'à dire qu'en France, il y a des no-go zones, des endroits où les non-musulmans sont pas le bienvenu. Il y a personne qui croit à ça en tant que... Oui. Et puis, ils ont dit ça deux fois. La deuxième, il y avait même des cartes à l'appui, avec des zones délimitées en rouge, là. C'est vraiment incroyable. On invente de l'information comme ça, on tire ça de ses fesses. Et puis une autre fois, un animateur, Stephen Emerson, il a déclaré que, à propos du Royaume-Uni, là, que Birmingham, c'est un endroit totalement musulman. Ah ben oui! Et que les non-musulmans n'y sont pas... acceptés. Les bienvenus, dans le fond. Ouais, c'est franchement, ça. Puis dans Birmingham, il y a jambon. Quand on y pense. Clairement. Pensez-y. Et puis là, le premier ministre David Cameron, évidemment, l'a traité de parfait idiot, ce qui me semble être une analyse tout à fait juste. Mais dis-moi en plus, décris-moi pourquoi je suis un idiot. Ouais. Non, mais c'est ça. L'histoire dit pas s'il y a une justification à ça. Mais bon, ça, c'est Fox News. Mais on sait, bon, il y a de l'incompétence au niveau des nouvelles internationales chez Fox News, c'est pas une surprise. Mais chez nous, à quoi ça ressemble? Je vais vous... Rappelez-vous de... Bujingo. Ouais, ça dépend des gens, je pense. Hein. Ouais. On va dire Bujingo pour cette chronique-là. Ouais. Alors, rappelons-nous de lui. C'était un journaliste extrêmement bien perçu à travers le Québec. Il donnait des nouvelles un peu partout. Ses reportages, il les envoyait au Devoir, à la Presse, à TVA. C'est tout le temps bien vulgarisé, compréhensible. Ah oui, puis c'était intéressant, ces histoires en plus. C'est plate que ça a été pratiquement tout inventé. C'est ce que vous avez lu de lui, oubliez ça tout de suite. Ouais, c'est ça, il faut oublier ça tout de suite. Il y a déjà, tu sais, il y a des affaires vraiment hallucinantes, là, comme il a déjà déclaré avoir négocié avec des terroristes pour une prise d'otage. Ouais. Oui! Oui, plein d'affaires de même. Puis c'est tout faux au complet. Il a laissé à la lune aussi, hein. Et ce qui est triste dans le cas du Québec, c'est que c'était un des rares journalistes qui était spécialisé dans l'actualité internationale. Et puis, c'est ça. C'est malaisant, honnêtement. Ouais, ça devient juste comme malaisant. Mais quand on peut le pointer du doigt. Ben c'est ça. On peut le pointer du doigt, sauf qu'après ça, tu fais quoi? Ouais. Ben, le pire là-dedans, je pense, là, c'est ça, ça rejoint un peu le sujet que je voulais parler, c'est le fait que il a pu dire ça autant longtemps. Mm-hmm. C'est, ça veut dire qu'il n'y a personne qui a vérifié ses affaires avant 2015, l'été 2015. Là. C'est ça qui est arrivé. Ça devait être difficile à prouver parce qu'en tant que tel, c'est des histoires sur des gens dans des pays reculés. Tu sais, comment en tu peux effet. Retrouver ces gens-là à moins d'être François Boutingo? Mais en journalisme, on dit souvent qu'il faut vérifier les sources de ce que les journalistes disent et de ce que les journalistes vont écrire. Mais fois, de ce côté-là, c'est ça, côté international, c'est quand même, comme tu dis, c'est assez difficile de retrouver la petite madame dans... Paye déjà pour le journaliste qui va aller dans tel pays, tu vas pas prendre quelqu'un qui va surveiller ses traces. Mais en tant que patron, est-ce que tu étais en train de blâmer le patron? Non, peut-être un peu. Okay. Parce qu'en théorie, oui, c'est toi qui assigne ton journaliste à. Ouais. Donc tu devrais savoir qui contacter. Ben en fait, je me rappelle avoir lu à ce sujet-là à l'époque que c'est arrivé là. Mais il me semble qu'il avait fourni des numéros à contacter. Il me semble qu'il avait fourni. Ouais, je crois. Mais bon. Okay. Ouais, mais en fait, tout à fait. Puis ça m'a ramené à mon dernier point, mais on va y revenir. Ça, c'est. Je vais vous emmener à une autre nouvelle encore pire que ça. Fais-nous des parenthèses, tout le monde fait des parenthèses. Ben oui, je fais une grosse parenthèse sur nos journaux d'ici. Ben, et là, je ne vise pas en tout le Journal de Montréal. Mais non. Mais c'est juste Québec. Le journal qui s'appelle eux autres. Mais c'est juste un parfait exemple de ce qui se passe au Québec aussi au niveau de nos journalistes incompétents. En fait, on a par exemple le choix des nouvelles. Ça, c'est super important dans les médias parce que choisir ces nouvelles, c'est un acte politique en soi. Ouais. Si on laisse une nouvelle plutôt qu'une autre, c'est il y a un message qu'on envoie, veut pas. Puis quand t'as un journal de Montréal qui met à la une, je sais pas moi, le gars qui oublie sa prothèse dans un lac, c'est vraiment une vraie nouvelle, puis c'était à la une en plus. Ou encore le fait que le bonhomme carnaval a été voir je sais pas trop quelle madame à l'hôpital, Ça se lit bien mieux chez McDo avec ta petite patate, là. Ben oui. Mais c'est pas des nouvelles qui... tu sais, il y a ce que les gens veulent entendre puis ce que les gens doivent entendre. C'est ce qu'il devrait avoir, en fait, une section du journal qui est du complètement... divertissement. Là. Divertissement. Un peu comme le sac de chips là, sur Internet du Journal de Montréal. Leur absurdité de choses tellement ridicules que tu te demandes qui a été payé pour écrire ça. Ce qui est intéressant avec le Journal de Montréal, c'est que ils ont des nouvelles qui sont pas intéressantes et le sac de chips qui sont des nouvelles encore moins intéressantes. Fait que c'est comme la complémentarité dans la médiocrité. Non, mais ils ne voulaient pas parler du Journal de Montréal, mais... Mais on a nommé toute leur marque de commerce. C'est ça. C'est clairement celui-là qui le disait. Mais tu sais, c'est ça. Je comprends, tu sais. En tant que tel, pour les défendre, je comprends qu'il y a un côté divertissement au Journal de Montréal. Je comprends que ceux qui veulent de la nouvelle un petit peu plus de haute qualité vont aller, tu sais, du côté du devoir. Je peux comprendre ça. Il faut les deux, en tant que tel. Oui. Mais ça veut pas dire que je vais le lire, c'est tout. Mais encore là, le devoir, comme j'ai dit tantôt, il est pas à l'abri de gens comme Bojingo, par exemple. Oui, exact. Puis, non seulement ça, mais les choix des nouvelles aussi peuvent être à discuter. On voit, par exemple, la rubrique internationale où il y a absolument rien, là, ou à peu près. Donc, le choix des nouvelles aussi est important pour le devoir. Puis, ils n'ont pas nécessairement les moyens pour faire des enquêtes super poussées. Mmh. Alors, voilà pour ça. Et puis aussi, même au niveau du journalisme scientifique, des fois, on a vraiment des... Est-ce que nos journalistes sont assez compétents aussi pour vulgariser des trucs scientifiques? Je prenais encore, là, pour un journal que je nommerai pas, mais ça, c'est un exemple qui était bon là-dedans. C'est pour ça que je vise pas le journal en particulier, là. Ça commence par et ça finit par. C'est ça, exactement. Ça commence par deux et finit par voir. Non. Non. Je vous lis un article qui est apparu dans... C'est le pipi qui vous irrite les yeux lorsque vous êtes dans la piscine. Ça, c'était une vraie... c'est le titre? C'était un titre d'article scientifique. Dans le Journal de Montréal, pour ne pas le nommer. Déjà, en partant, à la place de pipi, il n'aurait pas pu utiliser urine. L'urine, exact, en effet. Donc, c'était leur titre. Mais le problème, c'est que c'est pas la réalité. Puis que l'étude scientifique ne disait pas ça pantoute. Ce qu'elle disait, c'est que ce qui fait que les yeux sont irrités dans la piscine, c'est parce qu'il y a plusieurs... c'est à cause des molécules issues du chlore ou de diverses impuretés. Ouais. Et la sueur et l'urine peuvent faire partie de ces impuretés-là entre qui peuvent autres. Irriter les yeux, entre autres choses. Mais il y a combien de gens qui, à cause du titre, sont allés lire l'article? Moi, je pense qu'ils l'ont quand même pas lu. Ils ont vu le titre. Si je connais mon Facebook, ils ont lu le titre. Ils ont copié-collé le lien sur leur Facebook puis ils l'ont posté. Ouais. Attends, les gens, ils postent des choses qu'ils lisent pas? Ah! Outra! Hein? De quoi on parle? Ça se peut pas, ça. Ça arrive pas, ces affaires-là. Mais c'est sûr que ça attire les gens des titres sensationnalistes comme ça. Oui. Mais en même temps, le problème, c'est qu'ils jouent un peu avec la vérité parce qu'il y a une différence entre l'urine est un des facteurs qui, ou encore c'est l'urine là, qui cause ça. Donc, il y a une grosse différence. Parce qu'en tant que tel, c'est pas faux comme titre. Parce que mais l'urine, en effet, cause. Parce que c'est ça, ça pourrait être... c'est la formulation, ouais, en fait. Oui, vraiment. Ouais. Ça porte à confusion. D'où la compétence du journaliste. Quand on dit « c'est le pipi qui vous irrite les yeux », je veux dire, c'est sûr que c'est ça, ça doit être ça, dans le fond. C'est ça. Donc, c'est la formation de son titre qui vient vraiment y enlever tout le crédit. Là. Absolument, absolument. Mais il y a plein d'exemples, d'exemples comme ça, puis on peut en nommer plein d'autres. Ben oui. Tu connais John Oliver aux États-Unis? Je suis pas encore rendu à cet épisode-là, j'ai vu passer sur Internet, je suis en rattrapage à cette émission-là, mais il y a genre... C'est-tu cette émission-là? En tout cas, bref, peu importe. Là, mais ils ont comme inventé une étude. Ils ont réussi à la faire publier. Et ensuite, les médias ont parlé de leur étude dans les journaux. Ouais, c'est arrivé. Je crois que c'était pas John Oliver, c'était quelqu'un d'autre. Non, mais quand c'était autre chose. Ouais, c'était autre chose. C'était Adam Ruins Everything. Ouais, il y avait une étude en sociologie où il y avait vraiment ça. Il y avait dit n'importe quoi, puis ça avait passé. Oui, mais de toute façon, les journalistes, ce qui arrive souvent, c'est qu'ils citent soit des chercheurs, soit des politiciens. Puis ils rapportent leurs propos mot à mot, puis ils vérifient pas rien. Ouais. Puis ça, il y a plusieurs raisons à ça. Ben, la plus importante, c'est qu'ils ont pas l'argent pour vérifier, puis ils ont pas le temps et puis l'argent pour faire tout ça. Ouais. Donc, mais c'est ce qui est difficile aussi, tu sais, ayant moi-même une chronique de science au Mathieu Plante Show les mercredis après-midi, 15h à 17h. C'est difficile parce qu'on se fait, en effet, mettre des nouvelles dans la bouche, comme Le Devoir ou Futura Science dans mon cas. J'ai beau faire le filtrage de tout ça pour trouver que les meilleures nouvelles, je trouve. Mais reste que, quand on est dans les médias, on dirait que le titre nous attire aussi. C'est vrai. Fait que, mais oui, pas le choix. Peut-être pas sur cette nouvelle-là spécifiquement, mais des nouvelles qui m'ont attiré seulement par leur titre. C'est déjà arrivé. Après ça, commencer à faire les études et contacter ces gens-là, c'est difficile à faire. Mais c'est parce que du côté de compétences, en temps normal, il faut que tu fasses une recherche. Ouais. Mais si tu prends juste le troisième article que tu vois parce que tu es tanné de faire de la recherche, déjà, de ce côté-là, tu mets tes compétences en jeu. Oui, tout à fait. Mais le pire avec tout ça, c'est vraiment les journalistes professionnels qui font ça pour toute leur carrière. Là. Mm-hmm. Ça, c'est vraiment aberrant. Là. Un recherchiste à Radio-Canada qui... prend pas le temps de vérifier ou tout ça. C'est quand même, on est rendu assez loin. Et puis, la dernière nouvelle internationale vraiment très, très symbolique par rapport à ça, que je voulais vous parler tantôt quand on a parlé de Bujingo. À propos du fait que, bon, ces nouvelles sont pas nécessairement tout le temps vérifiables, mais parlons-en de la vérifiabilité. J'ai trouvé un article, en fait, l'été dernier. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Une fille, un père de famille qui aurait laissé sa fille se noyer à Dubaï sur une plage, ça vous dit quelque chose? Oui, ça me dit quoi, ça? Moi, non, malheureusement. Bon, c'est vraiment... À Dubaï, il y aurait un homme arabe qui aurait vu sa fille se noyer sur la plage et puis là, les sauveteurs auraient voulu la sauver. Puis là, le gars aurait dit non, sauvez-la, touchez pas à ma fille, etc. Bon, ça a été relayé partout dans le monde. Là. Les gens ont... la nouvelle est sortie quelque part. Là, après, ça a fait le tour du monde très rapidement. Et puis, à un moment donné, The Guardian voulait creuser l'histoire, tu sais, juste pour s'informer puis en savoir plus. Puis ils se sont rendus compte, ça se base pas sur des faits certains. Ça se base sur rien et du tout, en fait. Qu'en dira-t-on et des rumeurs et des... Finalement, ils ont fait la vérification, puis non, c'est pas une histoire valide. Ce qui est arrivé, là, c'est un journal de Dubaï qui a déjà interviewé un sauveteur qui devait relater une de ses pires expériences. Puis là, il avait raconté une histoire qui date de 1996. OK. Et puis, c'était même pas un arabe qui était dans l'histoire, c'était un asiatique. Puis même l'histoire était différente en plus. Donc, voilà. Donc, ça c'est... Mais personne n'a vérifié. C'est littéralement un téléphone arabe. Oui, c'est ça. Mais ça a fait le tour du monde, puis personne n'a vérifié. Puis The Guardian, ils l'ont vérifié par accident. C'était pas le but de le vérifier au début. Wow. Mais en c'est... plus. C'est drôle que tu me parles de ça, puis on s'en sacle, mais j'abîme quand même le sujet. Et je dis, je sors en onde, donc ça va me forcer à le faire. J'ai déjà commencé à préparer une chronique genre sur essayer de démystifier un peu ou de briser ce genre de nouvelles-là, tu sais, maintenant, mm-hmm. qui sortent et qui sont complètement fausses. Mm-hmm. Je trouve que ça serait pertinent d'avoir ça à l'émission. Tout un genre de un peu comme l'inspecteur viral fait sur Facebook, entre autres. Ça pourrait être super intéressant. De casser ces affaires. En fait, il fait déjà une chronique radio ailleurs, mais ça pourrait être intéressant. Mais on travaillons va là-dessus. Quelqu'un d'autre. On travaille là-dessus. Ce qui est dommage, c'est sûr que ça peut être intéressant, puis ça se fait des trucs comme ça, démystifier des trucs. Mais en même temps, pour des nouvelles de cette envergure-là qui ont fait le tour du monde, c'est presque impossible de vérifier la chose, à moins d'être un journaliste vraiment avec plein de ressources. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, c'est pour ça que, je sais pas si t'as remarqué, à C'est fou et ailleurs, les radios OSBL ou à petit budget, il y a aucun contenu original. Ce n'est que de rapporter le contenu des autres. Donc, ce serait de rapporter les brisages de nouvelles des autres. Ah, ben oui, tout à fait. Ça se fait très bien. C'est tout ce qu'on peut faire, on n'a pas de budget. Qu'est-ce que ça veut dire, pas de contenu original? Ça veut dire qu'on ne crée pas nous-mêmes notre propre nouvelle. Ça veut dire qu'on n'a pas écrit, on n'a pas appelé des sources pour faire la nouvelle. C'est ça que ça veut dire. Le tout dépendant, oui. Non, donne-moi un exemple assez fou ou à Zone Campus de contenu qui a été créé de toutes pièces par un journaliste. Il n'y a pas l'étude sur l'anxiété qui a été faite par Marie-Pierre Pruneau. Elle rapporte l'étude faite par quelqu'un d'autre à l'université. Ah, je croyais que c'était son étude. Elle a parlé à des gens. T'as raison, c'est la première fois. T'as raison, je crois que t'as raison. Mais sinon, c'est le seul exemple que j'ai à travers l'histoire de C'est fou. Mais d'un côté, quand t'es journaliste, il faut que tu prennes ta nouvelle quelque part. Il faut que tu prennes ton sujet quelque part. Automatiquement, ce sujet-là peut pas te sortir de même quand tu sors de la douche le matin. En fait, il faut que ça vienne de quelque part. Il faut que ça vienne du monde autour de toi. Dans les grands journaux, ça vient de gens qui sont allés sur le terrain pour prendre des gens en entrevue, qui ont parlé à des gens. Ça s'appelle du vrai contenu original. Oui, oui, oui. Les journaux, en fait, sont la source. Je te dirais qu'à la radio, à la télé, sur le web... Tout vient des journaux, je pense. C'est pour ça que les journaux existent encore. C'est les seuls qui créent du contenu original. Oui, ça, c'est vrai. Un peu comme les films. Mais le sujet... C'est tous les livres qui commencent par ça. Oui. Ouais. Mais le sujet n'est pas de façon originale. Le sujet va venir des gens qui t'entourent. Mais c'est pas le sujet qui est l'originalité, c'est la création de l'article autour. je pense que quand on dit du contenu original, oui, c'est, oui, pas, c'est sûr que tout le monde a vécu quelque chose. C'est pas ça qui fait que c'est original. C'est la personne qui va aller parler à cette personne, ouais, qui a vécu. Mais est-ce que tu pourrais avoir, exemple, je sais pas moi, deux études sur le même sujet, mais qui sont complètement différentes? Ouais. Tu sais, tu comprends? T'as raison de dire que c'est le contenu qui va être complètement différent parce que c'est justement les sources que tu, ouais, vas avoir, puis les recherches que tu vas faire qui vont faire en sorte que ça devient original. Mais le sujet en tant que tel est le même pour, ouais, les gens qui vont être dans la salle. Mais tu sais, mettons, la différence dans le contenu original, à mon avis, puis vous pourrez débattre si vous voulez, mais c'est que si, mettons, quelqu'un fait une étude à UQTR et que quelqu'un va rapporter que cette étude-là existe, c'est un article original. Si après ça, moi, à la radio, je me base sur l'article du journal, ben c'est la différence c'est entre... plus du contenu original. Ben c'est ça, c'est la différence entre être journaliste et être animateur. Animateur, c'est exactement ça, on s'entend là-dessus. D'accord, Jimmy? Ben oui. Non, mais par original... On est rendu dans une autre parenthèse. Non, mais c'est intéressant, c'est un sujet que je trouve intéressant, parce qu'en tant que tel, il n'y a pas de contenu original assez fou. Mais c'est normal qu'on fasse plein de parenthèses là-dessus, parce qu'en même temps, on est une radio, puis on est touché par le journalisme, donc je parle d'un sujet qui touche tout le monde directement, là. Mm-hmm. Donc c'est normal. Mais par original, évidemment, je pense qu'on entend le fait de chercher de soi-même création, sa nouvelle. C'est ça. Pas qu'elle se crée soi-même, mais qu'on va la chercher soi-même. Ouais. Enfin, bref. Ça fait rapporter, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais pour mes exemples, ça fait le tour. Mais maintenant, c'est quoi les raisons qui nous amènent à ce gâchis-là mondial avec plein de journalistes incompétents qui peuvent pas rien faire à propos de la qualité de nos nouvelles? Ben, il y a des raisons assez terre-à-terre pour ça. La première, je pense, c'est vraiment le fait que les formations de journalistes sont défaillantes. Okay. Beaucoup trop techniques, à mon avis. Je vais faire un petit peu ma rhétorique de « Ah, c'était mieux dans le temps. » Oui, oui. Toi qui as genre 19 ans, je pense. Ouais. Non, j'ai 20. Mais en tout cas, bref. T'es proche quand même, ben oui. Ouais. Non, mais en vérité, les formations aujourd'hui sont beaucoup trop techniques. Avant, on était peut-être plus axé sur les sciences humaines, puis on avait une formation là-dedans. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. On n'a pas besoin de faire des sciences humaines pour entrer dans le journalisme. On n'a pas besoin nécessairement de faire une étude approfondie d'économie, de politique pour développer notre sens critique ou quoi que ce soit. Pas du tout. C'est juste d'être capable de rapporter la nouvelle, puis d'être capable de gérer un studio, etc. Donc, c'est un petit peu triste à ce niveau-là. Donc, la formation aurait peut-être du travail à faire, j'ai l'impression. Et puis, il y a tous les autres facteurs aussi qu'on avait déjà mentionnés en début de chronique. Premièrement, le sensationnalisme, c'est ce qui fait vendre, donc on n'a pas le choix à un moment donné. La marchandisation des nouvelles aussi. Là. Mais ça, tout ça, ça vient avec le fait que le journalisme aujourd'hui, c'est une entreprise privée essentiellement. Donc, c'est pour ça qu'il y a une logique de coût-bénéfice tout le temps. Donc, on ne peut pas nécessairement dépenser trop vers la recherche, vérifier les faits, chercher les nouvelles qui sont vraiment les plus importantes. Non, on fait juste copier ce que les gens font. Mmh. On prend les nouvelles les plus intéressantes, puis tiens, bang, on a nos nouvelles, puis les gens sont contents. C'est comme ça que ça marche. Ben, c'est sûr, il faut faire de l'argent en entreprise privée. Puis malheureusement, ça entame un peu, si on veut, la qualité de notre journalisme au Québec, mais ailleurs aussi. Ça y va pas aussi un petit peu avec tout ce qui est Internet et médias et la facilité de devenir ce que tu veux devenir aujourd'hui? Tu sais, il y a combien de gens qui étudient pas nécessairement en journalisme ou qui n'ont pas nécessairement étudié en écriture journalistique qui vont écrire des nouvelles, qui vont créer des choses sur Internet pour justement avoir cette espèce d'engouement-là du public face à ce qu'eux écrivent? Mais de ce côté-là, tu peux pas nécessairement savoir si cette personne-là est fiable selon ce qu'elle dit. Oui. Oui, il y a vraiment tout le temps un danger à ce niveau-là, en effet. On en est tous coupables. Oui, je pense que ça vient un peu avec la génération d'aujourd'hui. Là. Je pense que ça a toujours été de même. Oui. Ouais. Mais je sais pas, j'ai comme de la difficulté, parce que moi, quand j'étais jeune, être journaliste, c'était difficile. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, combien est-ce qu'il y en a de journalistes en tant que tel, des vrais journalistes là, qui des vont sur le terrain, journalistes, qui là, parlent ouais, aux c'est gens? Ça. Il y en a parce pas beaucoup. C'est tout ce que j'entends dire par du contenu qui a été créé de façon originale, c'est-à-dire sur le terrain, il y en a vraiment très, très peu. Mm-hmm. Mais est-ce que je peux dire là-dessus sur le fait qu'on a les journalistes qu'on mérite? Ben, moi, en tout cas, ce que je pense là-dessus, c'est que, à tout le moins, si les gens s'informaient plus, variaient plus leurs sources, et avait un sens beaucoup plus critique. Puis savait vraiment qu'il faut s'informer de différents sujets fait divers. Et puis, tu t'intéresses, évidemment. Oui. Ben, si les gens avaient cette conscience-là de plus, puis avaient ce sens critique-là, ben, les journalistes feraient plus d'efforts, les entreprises feraient plus d'efforts. S'il y avait une demande, ouais, vraiment de nouvelles plus intéressantes puis solides. Mais c'est sûr, il n'y en a pas. Donc, en ce sens-là, on pourrait dire qu'on a les journalistes qu'on mérite, mais ça va dans un sens comme dans l'autre. Si on a, si on n'a pas de sens critique, puis on laisse les journalistes faire, mais après, les journalistes vont faire ce qu'ils font, puis nous, ils pourront pas nous sensibiliser. Donc, c'est un, ça se joue aux deux niveaux en même temps. C'est un peu un cercle vicieux, en fait. Il y a de la responsabilité des deux côtés. On peut pas juste mettre le blâme sur tout le monde ensemble, la population. Il y a aussi les journalistes qui sont là-dedans, dans ce cercle vicieux-là. J'ai comme l'impression aussi qu'il y a un, pas un manque, mais un désintéressement face à la connaissance et à la culture générale. Tellement, oui, oui, oui. Les gens veulent se faire dire quoi penser. Tantôt, dans une précédente chronique, on parlait de prescripteurs d'opinion. Mm-hmm. Là. C'est ça que ça veut, les gens veulent se faire dire quoi penser et veulent entendre seulement leur point de vue. Leur point de vue, puisque eux aiment. Si nécessairement, t'es pas, si t'aimes pas l'histoire, mettons, tu seras pas porté à aller lire des choses qui sont par rapport à ça, te renseigner par rapport à ça. Par contre, lorsque vient le temps de lire un article ou vient le temps d'écrire un article, si t'as pas de culture générale et de connaissances générales, ça devient un petit peu problématique. Comment tu vas faire pour gagner des arpents de piège? Hey! Mais c'est jouer à Trivia! Trivial Pursuit! Mais c'est vrai, sans culture générale, pas nécessairement de sens critique envers les journalistes, on peut pas questionner ça. C'est juste les seules informations qu'on a si on n'a pas de culture générale. Ouais. Et puis, si on n'a pas de culture générale, on gobe ce que les journalistes disent. Si on gobe ce que les journalistes nous disent, ben on n'a pas nécessairement de plus de culture générale. Donc, wow! Hey, ça, c'est vraiment bien résumé la chose. Voilà. Ouais. On a bien fait ça, Jimmy. On a bien fait ça. Hey, tu l'as laissé tomber dans son affaire. Ouais, je me suis fait... Ouais, c'est ça. Bref, c'était vraiment super intéressant comme chronique. Je trouve vraiment ça fascinant. Et j'ai hâte d'en reparler avec toi, Jimmy Thibodeau. On se retrouve tous les mardis à 8h30 pour une autre 8h. 8h. D'habitude, 8h en tout c'est cas. C'est ça. Oui, mais là, on pardonne tout le monde qui arrive en retard c'est aujourd'hui, du c'est normal. C'est que j'ai tendance à regarder l'heure qui est reculée à la plus récente demi-heure quand j'annonce les heures des chroniques. Donc, 8h, Jimmy Thibodeau. Voilà. Mardi, à chaque semaine. Yes. T'es fin, t'es bon. T'es un créateur. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est Fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Fonctionnaire dans l'administration, il s'absente pendant 6 ans et personne ne le remarque. Je pense que son travail n'était pas si important que ça, hein? Donc, un fonctionnaire espagnol s'est absenté de son poste pendant 6 ans sans que personne ne le remarque au sein de l'administration. Joaquin Garcia travaillait dans l'administration publique à Candiz quand, en 1990, il se voit offrir un poste à 37 000 euros par année ainsi qu'un bureau personnel à la Régie des eaux. Peu à peu, le fonctionnaire constate que l'ampleur de sa tâche s'avère d'être loin d'être démesurée. La lassitude s'installe jusqu'au jour où il décide de s'absenter sans prévenir. Selon l'enquête menée par les autorités compétentes, Joaquin Garcia n'a plus mis les pieds au bureau à partir de 2004. Une absence qui n'a été signalée que par personne et qui a finalement été découverte par hasard qu'en 2010, 6 ans plus tard, au moment où l'employé devait être honoré pour ses 20 ans de carrière dans la fonction publique. Attaqué en justice par l'administration locale, Joaquin Garcia, retraité au moment du procès, a été condamné à une amende, oui, de 27 000 euros, la plus haute prévue par la loi, bien que la somme soit largement inférieure à la rémunération perçue pendant les 6 dernières années. Pour sa défense, l'accusé, qui a prétendu qu'il n'avait rien à faire, mais comme il n'avait pas jugé nécessaire d'en alarmer ses supérieurs hiérarchiques parce qu'il avait une famille à nourrir et qu'il craignait de ne pas pouvoir se trouver un autre emploi. On n'appelle pas ça être un profiteur, ça, hein? Non, non, non, non. On appelle ça comment? Être un fonctionnaire. OK. Un homme affamé déjeune dans un fast-food. C'est une vidéo absolument à voir, surtout à cette heure de la journée, là. Ça s'est passé aux États-Unis. C'est le client d'un fast-food du nom de In-N-Out Burger qui a filmé un homme en train de manger son repas d'une façon peu ragoûtante. Visiblement affamé, ce dernier va engloutir tous ses burgers à une vitesse folle. Ça, ça peut aller. Mais avant d'engloutir ses burgers, il les arrose de milkshake. Et puis, il y en a partout. Il a l'air d'un clown quand il mange. Il a comme les lèvres toutes maquillées blanches, mais c'est de la crème. C'est son milkshake. Allez voir ça, c'est peu ragoûtant. Et ça donne pas faim, non, pour vrai. Je vous présente ici la lettre d'une petite fille de 6 ans à ses voleurs. Alors que la famille Crabtree était partie faire des courses, des cambrioleurs se sont introduits dans leur maison située à Willenhall au Royaume-Uni. Une fois à l'intérieur, les voleurs ont retourné chaque pièce, allant même jusqu'à déchirer les vêtements et les peluches des enfants à la recherche d'objets de valeur cachés. Au final, les cambrioleurs sont repartis avec un butin d'environ 3 900 €. Ils ont notamment volé une Xbox, une PlayStation 3, un iPad, les bijoux de la mère de famille et le bracelet de breloques de Holly, la petite dernière de la famille, âgée de 6 ans, que ses frères lui avaient offert pour son baptême. En colère, la fillette a décidé de prendre sa plume afin de s'adresser aux voleurs. Holly a alors écrit une lettre aux cambrioleurs leur suggérant de trouver un travail pour gagner honnêtement de l'argent. Dans son courrier, la petite fille parle de son bracelet disparu et avoue qu'elle a peur depuis ce cambriolage. Je vous cite la lettre, là, je vous la lis, il est écrit « Cher cambrioleur, mon bracelet est un bracelet d'enfant. Depuis que vous avez cambriolé ma maison, je me sens pas en sécurité chez moi, comme si j'entendais tout le temps des bruits et que vous alliez revenir chez moi. Vous avez le pouvoir de faire que les gens ne se sentent pas en sécurité chez eux. On ne gagne pas d'argent en volant. La meilleure manière d'en obtenir, c'est de trouver un travail. » Holly, qui rêve d'être vétérinaire quand elle sera plus grande, a déclaré qu'elle aimerait discuter avec les voleurs. « Je voudrais leur pardonner et savoir pourquoi ils ont fait ça. J'ai écrit que les cambrioleurs devaient se trouver un travail plutôt que de voler parce que j'ai vu mes parents aller tous les jours travailler pour gagner de l'argent. Donc, ils ne devraient pas essayer d'en obtenir en volant d'autres personnes. » Postée sur les réseaux sociaux, la lettre de la petite fille a fait depuis le tour du pays. La police n'a pas encore trouvé les auteurs du cambriolage, mais elle poursuit son enquête et espère bien trouver le bracelet de Holly, ainsi que les affaires de cette famille Crabtree. Un vélo électrique qui peut atteindre la vitesse de 80 km/h. Quand même, vélo électrique qui peut atteindre la vitesse de 80 km, c'est bien. Conçu par la société australienne Stealth Electric Bike, le Bomber B52 n'est pas un vélo comme les autres. Ce VTT électrique peut atteindre la vitesse de 80 km pour une autonomie de 80 km. Il pèse 53 kg et possède une boîte de vitesse 9 rapports. Son prix est de 12 000 €. Et la démonstration en vidéo dans les rues de Sydney est via l'article sur la page Facebook du Dîner de cons. Celle-là, on l'avait faite. Attends un peu, juste voir quand c'est sorti. Un autre ici qui se masturbe au volant et provoque un accident. L'homme est décrit comme un habitué de la masturbation au volant. Le 8 février dernier, dans la banlieue d'Augusta aux États-Unis, Rikita McBride, 28 ans, a été victime d'un accident de la route. Pour le moins insolite, la jeune femme se trouvait au volant de sa camionnette lorsqu'elle a été percutée par Donald Marvin Johnson, un retraité américain de 63 ans. Selon le rapport de la police, Donald Marvin Johnson faisait des écarts de conduite avant l'accident. Il aurait failli percuter le véhicule de Ricarcia à plusieurs reprises et la dernière fois que Ricarcia McBride a vu Donald Marvin Johnson, eh bien, il avait le pénis sorti du pantalon et était en train de se jouer avec. Arrivé sur place, les policiers ont arrêté le conducteur indélicat pour indécence publique et conduite dangereuse. Il a été incarcéré à la prison du comté de Columbia et sa caution a été fixée à 11 200 $ US. Le rapport de police précise que l'homme est un habitué de la masturbation au volant. Il avait déjà été condamné en 2008 pour des faits similaires. Il n'est pas capable d'arrêter de se masturber, le monsieur. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est de même. Armé d'un couteau, un crabe menace un homme. Bien déterminé à ne pas finir dans la casserole d'eau bouillante, ce crabe a décidément pris les moyens pour se défendre en prenant les armes. Après avoir volé un couteau de cuisine, il va s'enfuir en menaçant l'homme qui tente de le rattraper. C'est une vidéo, bien sûr, qui est hilarante. Mais quand on sait le résultat pour le crabe, on voit qu'il se bat quand même pour sa vie, lui-là. Là, hein? Saviez-vous que Kenny s'est éteint? C'est particulier parce que, on avait eu de ses nouvelles. Moi, ça fait au cours du mois de décembre ou janvier, je m'étais dit qu'est-ce qui est arrivé avec Kenny. J'étais allé voir sur Internet. Et bien là, on apprend que Kenny Easterday, est décédé vendredi dernier à l'âge de 42 ans. Donc, on avait exactement la même âge. Oh mon Dieu, je viens de dire mon âge en ondes, ça se fait pas ça. L'acteur, donc, Kenny Easterday, cet homme tronc qui est devenu célèbre grâce au film The Kid Brother, ou le film Kenny de Claude Gagnon, est décédé vendredi à l'âge de 42 ans. C'est Gagnon lui-même qui a confirmé c'est M. Gagnon, Claude Gagnon, qui a confirmé la nouvelle sur Facebook. Il a écrit « Kenny, mon cher Kenny, n'est plus. Je viens d'apprendre la triste nouvelle. Si vous pouvez m'aider financièrement, Si vous pouvez aider financièrement, ce serait apprécié. Pour l'instant, je ne peux rien dire de plus. Kenny a été tellement important dans ma vie. Lui voulait dire si on peut aider la famille. Kenny Easterday est un homme qui est né avec une maladie rare entraînant un très faible développement de sa colonne vertébrale. Ainsi, lorsqu'il a eu 6 mois, il fut amputé des 2 jambes et a donc appris à vivre sans partie inférieure de son corps. Il n'a jamais voulu utiliser de prothèse et préférait se déplacer avec ses mains sur une planche de skateboard depuis son plus jeune âge. Il laisse dans le deuil son épouse ainsi que sa petite-fille. À noter que les médecins spécialistes de l'époque ne lui donnaient pas une espérance de vie au-delà de 21 ans. C'est quand même rendu à 42. Une page GoFundMe a été créée afin d'amasser des fonds pour ses funérailles. L'objectif a été fixé à 5 000 $. Et on sait que Kenny venait d'une famille très, très modeste. Toutes nos pensées vont à cet homme d'une grande force de caractère et d'un courage inégalé. Film à voir, film de Claude Gagnon. Kenny, vraiment, de Kid Brother. Il y a Tom Cruise qui est méconnaissable au BAFTA Film Award. Ben moi, je vous dirais juste, ben Tom Cruise, là, savez-vous quoi? Il vieillit, puis il engraisse aussi, c'est normal. Les acteurs étaient nombreux à assister au BAFTA Film Award, une cérémonie aussi appelée les Oscars britanniques. C'est passé dimanche soir. Pourtant, ce n'est pas Leonardo DiCaprio, sacré meilleur acteur pour le film de Revenant, qui a fait jaser, mais plutôt Tom Cruise, qui s'est présenté en salle de presse aux côtés de l'acteur de 41 ans. Notre ami Leonardo DiCaprio, lui aussi, a pas mal la même âge que moi. En effet, la twittosphère s'est enflammée lorsque plusieurs internautes ont souligné que le visage de Cruise était totalement transformé. L'acteur, dont la figure était rouge et bouffie, est soupçonné par plusieurs d'avoir abusé de la chirurgie esthétique. Ben moi, je suis d'accord là-dessus. Je comprends pas qu'est-ce qui est arrivé. Il a l'air de... Pourtant, il est vraiment mince, mais il a la face complètement enflée et rouge, rouge, rouge. Les commentaires ont été nombreux sur la toile. Certains ont comparé le visage de l'acteur de 53 ans à celui d'une personne ayant été piquée par des abeilles ou encore à celui d'une personne souffrant d'une réaction allergique à un aliment. D'autres lui ont tout simplement demandé de laisser son pauvre visage tranquille. Ben oui, c'est normal. Mais comme j'ai dit tantôt, ben il vieillit, là. Il a quel âge, Tom Cruise? Si on veut juste une petite recherche comme ça, on va aller voir... Quel âge qu'il a, Tom Cruise? Il peut pas avoir l'air de 10 ans hein, tout le temps, là. Il est né en 62. Hein? Donc, il a 40, il a 52, 53, 53 ans. C'est normal qu'il ait plus l'âge d'un genou de 20 ans. Sur ce, eh bien, on va aller en musique avec Giorgio Tuma et Laetitia Sadier. Laetitia Sadier, c'est la dame qui chante dans Stéréolab. Alors, on va aller écouter une petite pièce tirée de leur nouvel album. Ça s'appelle Mode Hope. On écoute ça tout de suite dans le Dîner de cons. Je vous invite à rester là. Let's go. On va recommencer ça comme il faut, là. C'est tout le temps ça sur YouTube, hein? Enjoy! Oh, Maud Hope, de la formation, en tout cas du projet de Giorgio Tuma et de Laetitia Sadier, bien connue pour son travail avec la formation Stereolab. C'était excellent, cette petite pièce, toute vraiment, vraiment très, très planante, hein? Vraiment quelque chose de calme, mais d'excellent. La pochette est extraordinaire. Le vidéo qui va être sorti là-dessus va être très, très beau parce qu'on voit quelques extraits d'images du prochain clip d'après moi. Sur ce, eh bien, il est midi 19. On continue dans nos nouvelles tout à fait insolites et inutiles. Je vous parle de ces deux pilotes russes qui ont évité un crash et ont sauvé ainsi 370 passagers. Grosse frayeur pour les passagers d'un Boeing de la compagnie russe Orenburg Airlines. C'est jeudi passé que ça s'est passé, Deux pilotes russes ont réussi à sauver la vie de 350 passagers ainsi que 20 membres d'équipage après qu'un moteur ait pris littéralement en feu à 5000 mètres d'altitude. L'appareil, qui est un Boeing 777-200ER, venait de décoller de l'aéroport de Punta Cana en République dominicaine en direction de Moscou alors que le réacteur gauche s'est subitement enflammé après seulement 15 minutes de vol. Très vite, la fumée a envahi la cabine et le commandant de bord, Konstantin Parikhkova, ainsi que son copilote Vladimir Kratsov, ont alors décidé de rebrousser chemin afin de tenter un atterrissage d'urgence, une manœuvre périlleuse, puisque les réservoirs étaient gorgés de carburant. Après avoir largué une tonne de kérosène au-dessus de l'océan et arrêté le moteur qui menaçait d'exploser, les pilotes ont alors réussi à poser l'appareil à Punta Cana. Au moment de l'atterrissage, les pneus du Boeing ont pris en feu sur la piste, mais les passagers s'en sont sortis sains et saufs, évacués par les toboggans gonflables. Dans une interview accordée à la presse russe, les membres de l'équipage restent modestes et affirment qu'ils n'ont fait qu'appliquer les procédures de sécurité. « J'avais toute la confiance en mon équipe à 100 %, dit-il. Nous suivons un cours d'entraînement tous les ans et nous répétons tout ce qui se passe à bord. » C'est ce qu'a ajouté une hôtesse de l'air. Donc, tout s'est passé comme il le fallait et c'est ça qui a sauvé finalement de la catastrophe, hein, parce que ça a été finalement juste une perte d'un peu de kérosène et puis pas de perte humaine. C'est génial. Et c'est une nouvelle qui m'a fait quand même sourciller. Vous allez voir, assez particulier cette histoire. C'est Jean-Paul II qui aurait entretenu pendant plus de 30 ans une amitié intense, entre guillemets, avec une femme mariée. Et qu'est-ce que cette activité intense, cette amitié intense? C'est selon la BBC, Jean-Paul II aurait entretenu pendant plus de 30 ans une amitié. Une amitié, juste une amitié, on ne sait pas plus. Donc, c'est lundi soir, la BBC va dévoiler les lettres inédites échangées par le pape Jean-Paul II avec Anna Teresa Timinienka, une philosophe américaine d'origine polonaise avec qui il a entretenu une forte amitié pendant plus de 30 ans. Ces lettres ouvrent la fenêtre la plus extraordinaire sur la vie privée de l'une des personnes les plus célèbres de l'histoire, a jugé Edward Sturton, journaliste de la BBC à l'origine de cette découverte. Des images extraordinaires. Cette image-là qu'on voit, le pape, Jean-Paul II, qui est en short en avant d'une tente, en camping, avec cette dame. Il lui dit « Ma chère Teresa, j'ai reçu les trois lettres. Tu écris que tu es déchirée, mais je n'ai pu trouver aucune réponse à ces mots. » Écrit par exemple le futur pape dans une lettre datant de 1976, la décrivant comme un cadeau de Dieu. OK. Ils étaient plus que des amis, mais moins que des amants, a estimé M. Sturton, indiquant qu'il n'y avait dans ses lettres aucune preuve de rupture des vœux de chasteté de Jean-Paul II. Mais peut-être qu'il ne l'aurait pas écrit, justement, pour pas qu'il y ait de preuve. Moi, je dis ça de même. Et je ne veux pas dire non plus qu'il y a quelque chose. Je dis juste que ça laisse quand même la porte ouverte à des suppositions. La correspondance montre un combat pour contenir ce qui était certainement une relation très intense. C'est ce qu'il a jugé. La première lettre date de 1973, année de la rencontre entre Anna Teresa Timinienka et Karol Wojtyla, qui devint futur pape Jean-Paul II. Et la dernière a été écrite simplement quelques mois avant la mort du pape Jean-Paul II en 2005. Et vous en pensez quoi? Mais en tout cas, juste de voir la photo du pape avec son ami durant une séance de camping, il est en t-shirt, en short, ça fait quand même assez particulier de ce qu'on est habitué de l'image de Jean-Paul II. Tiens, on va se le faire ici. 10 astuces pour gagner en bien-être et surtout en peut-être même 10 ans d'espérance de vie. Premièrement, dormez bien. Le manque de sommeil est lié à des problèmes de mémoire, d'audition, d'énervement, d'hypertension artérielle, aux accidents vasculaires cérébraux, à la dépression ainsi qu'à l'obésité. C'est ce que rappelle Barbara Botani. Pour rester jeune, mieux vaut donc chouchouter son sommeil. Optez pour des oreillers et des têtes d'oreiller en fibres naturelles comme de la laine, de la soie ou le latex naturel. C'est ce que recommande la naturopathe. Ils vont réguler l'humidité et faciliter la circulation ainsi que votre peau qui ne suffoquera pas pendant que vous dormez. Il y a aussi, semble-t-il, les oreillers en bambou. Sont très bons. Mais c'est du nature. On va aller voir. Autre petit truc, oubliez les micro-problèmes. Beaucoup de choses peuvent être source de stress dans votre vie quotidienne, mais il est important de prendre du recul et de faire le tri entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas. S'énerver contre les relous du métro ou votre copain qui n'a pas fait tourner la machine à laver n'a aucun intérêt et nuit à votre santé. Rappelez-vous que stresser ne changera rien aux problèmes et donc laissez couler les choses. Effectivement, c'est pas toujours facile, mais le conseil est bon. Réduisez le café, hein, aussi. Une récente étude de l'Université de Göteborg a révélé que les facteurs qui influencent la durée de vie après 50 ans, explique Botani, seraient les résultats qui suggèrent que ceux qui espèrent prolonger leur espérance de vie doivent garder un bon taux de cholestérol, ne pas fumer et surtout limiter leur consommation de café à 4 tasses par jour, ce qui est quand même beaucoup. Et là, dans certaines études, on nous dit qu'il faut prendre du café pour vivre. Chaque étude vend ce qu'il y a à vendre. C'est dur de s'y retrouver, je le sais. Mais quelque chose qui est sûr et qui va vous aider et qui va aider le moral, votre moral et ceux même autour de vous, eh bien, c'est de sourire. C'est un excellent moyen d'améliorer votre humeur ainsi que votre santé mentale. Donc, vous serez surpris de voir ce qu'un simple sourire peut apporter à votre journée et vous ne saurez jamais combien ça change celle des personnes qui le reçoivent. Aussi, quitter ce canapé, hein, la recherche a prouvé que rester assis pendant de longues périodes pouvait réduire l'espérance de vie, hein. Donc, en effet, une étude publiée en 2012 dans la revue British Medical Journal stipule que de rester assis moins de 3 heures par jour pourrait permettre d'augmenter de 2 ans votre espérance de vie. Donc, on reste pas assis, semble-t-il. Restez positif, pensez positif. Notre état d'esprit et nos émotions jouent un rôle primordial dans la façon dont se joue notre vie. Si vous êtes persuadé que la météo est mauvaise et que votre journée le sera, elle risque fort de l'être. Mettez des énergies positives dans votre vie, vous serez étonné de voir combien elles s'améliorent. Je le sais, ça paraît facile, ça paraît niaiseux, enfantin ce commentaire. Mais c'est pas mal vrai quand même. Si on voit tout le temps tout en noir, c'est possible que la vie devienne de plus en plus noire. Démaquillez-vous. Hein? Même si vous êtes épuisé, que vous ne rêvez que de vous jeter dans votre lit, prenez le temps de vous démaquiller tous les soirs, mesdames. C'est essentiel à votre santé et surtout à la santé de votre peau. Si vous faites l'impasse sur l'eau micellaire, le maquillage empêchera la peau de respirer et de se régénérer. Donc, cette femme qui a arrêté de se démaquiller pendant un mois a vieilli de 10 ans. La preuve en est vivante. On a une photo pour nous montrer de ça. Donc, ne gardez pas votre vieux maquillage, hein? Faites de gras d'animaux morts puis de produits chimiques interdits. Faites du sport. Une étude a montré aussi que les personnes qui font régulièrement des exercices intenses étaient 13 % moins susceptibles de mourir prématurément que ceux qui font simplement de l'exercice modéré. OK, bien là, il faut que je me mette à l'exercice intense. Désolé. Il dit « Les personnes en surpoids de plus de 45 kg peuvent soustraire une décennie entière à leur espérance de vie. Bref, n'importe quel exercice est une bonne façon de se maintenir à son poids en forme. Son poids de forme, oui, et de prolonger sa durée de vie, c'est le moment de commencer les 30 jours de squash, les challenges de 30 jours de squash. Mettez de la crème solaire. Cette étude dirigée par le Center of Disease Control rapporte que seulement 32 % des adultes déclarent avoir appliqué de la crème solaire. Cela pourrait considérablement affecter votre longévité. L'étude a également révélé que les personnes décédées à suite d'un mélanome entre 2000 et 2006 sont mortes 2 décennies plus tôt que ce qui aurait dû arriver. Mettez de la crème solaire, c'est en sus le meilleur des antirides pour la plupart des dermatologues. Et rompez avec vos amis toxiques. Vos amis doivent vous nourrir au sens figuré, bien sûr. Si ce n'est pas le cas, arrêtez de vous épuiser à les fréquenter et passez du temps avec des gens qui vous dynamisent et vous inspirent. Prenez garde toutefois à ne pas vous isoler. Des études ont montré que la solitude peut aussi augmenter les risques de décès prématurés de 30 %. Bref, trouvez l'équilibre. C'est magnifique. Et puis, cette étude, on l'avait déjà faite. C'est quand que c'est sorti? Je pourrais-tu avoir la date? Bah ouais, tiens, on va la faire avant d'aller en pause publicitaire. Mais c'est une étude qu'on a lue souvent, mais c'est parce qu'il y en a sorti beaucoup. C'est pas nécessairement la même étude ici. On apprend que les personnes sarcastiques seraient plus créatives et plus intelligentes que la moyenne. Le sarcasme est la clé de la créativité, c'est ce qu'avancent des chercheurs de l'Université de Columbia ainsi que de Harvard qui ont étudié de près cette forme d'ironie. D'après les résultats de cette enquête publiée dans la revue Organizational Behavior and Human Decision Process, eh bien le sarcasme est encourageant, le sarcasme encourageant la réflexion pour saisir le sens caché des mots favorise l'abstraction ainsi que la créativité. Lors d'une série de tests, les volontaires ont pris part à des discussions dans lesquelles ils avaient reçu pour instruction de se montrer sarcastique ou à l'inverse, sincère. Après coup, ceux qui s'étaient essayés à l'ironie lors du test ont mieux réussi à accomplir des tâches requérant de la créativité que les personnes auxquelles avait été imposé le premier degré. Selon les chercheurs, les sarcasmes auraient ainsi boosté la créativité de ceux qui les avaient préalablement maniés au cours de la discussion en forçant à changer leur manière de penser ou leur regard sur le monde. C'est ce qui conduit de nombreuses personnes à établir un lien entre le tempérament sarcastique ainsi que l'intelligence. Regarder les choses avec un œil différent permettrait de trouver des solutions innovantes aux problèmes qu'on rencontre. De plus, les personnes sarcastiques, parce qu'elles doivent prendre en compte le fait que leur manière de communiquer ait des conséquences, est déconcertante pour certains, font souvent preuve d'une intelligence émotionnelle supérieure à la moyenne. En effet, elles doivent parfois apprendre à se montrer un peu moins ironique si la situation l'exige. Donc, c'est un humour à manier, mais avec précaution. Voilà pour le bon côté. Le problème que rencontrent les gens sarcastiques, c'est qu'ils peuvent être perçus comme désagréables ou méchants. Pire, le fait de se montrer sarcastique peut engendrer des conflits avec les personnes qui ne sont pas habituées à cette forme de communication très particulière et surtout ceux qui ne saisissent pas l'ironie. Il est donc parfois préférable de s'assurer que son interlocuteur est sur la même longueur d'onde avant d'utiliser cette forme d'humour mordant au cours d'une discussion. Si les sarcasmes sont généralement le signe d'une intelligence supérieure, ils sont donc à manipuler avec précaution, selon les chercheurs. Cette forme de communication requiert en effet un niveau de confiance et de complicité sous peine de saboter une relation naissante. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Un homme qui s'étire dans l'actualité, qui étire le sujet de l'actualité jusqu'à temps que l'élastique pète. Sur son nez? Sur son nez. Ou ailleurs. Il nous remet ça sur le nez, l'actualité. Ben, tu sais, si on s'occupe pas de l'actualité, l'actualité s'occupe de nous. Hein? Voici le bulletin Gartin. Je m'inspire de ce que je vois pour te trouver une introduction, Sébastien. Des fois, ça me vient. J'ai vu un élastique pété sur ton micro. Je sais que c'est pas ta faute, mais c'est ce que j'ai utilisé comme référence. Je m'excuse. C'est correct, je te pardonne. D'ailleurs, la citation que tu cherchais, c'était pas si l'actualité. Si vous occupez pas de l'actualité, l'actualité s'occupe de vous. C'est plutôt si vous ne vous occupez pas de la politique s'occupe de vous. Ah, quand j'aurais. Oh, wow, OK. Ça vient de Périclès, fondateur de la démocratie athénienne en genre moins 400 que. Tyler Périclès aussi, il fait plein de films de noirs aux États-Unis. Tyler Perry, c'est le nom. Vous n'êtes pas dans la. Ouais, non. Vous n'avez pas la référence. Arrête de te caler, Mathieu. C'est très drôle. Rends-toi service, arrête ça, là. Donc, c'est monsieur. Tu l'as fait dire le matin. Je vais le faire mettre sur le nez. C'est ça. C'est ça, j'ai failli le dire quand tu as parlé de l'élastique qui me pète sur le nez parce que ça me semble plus à toi que ça arrive. C'est pas ça. Mais j'apprends pas de mes erreurs. Je suis comme un chat. J'apprends pas de mes erreurs. C'est vrai, ça. Une chance que les chats ont une vie, d'ailleurs, hein, parce que il est tabarouette des fois. Absolument. Mais c'est pas pour parler de tout ça que... Tout ça pour pas parler de chats. J'aimerais ça. Pour ne pas parler de chats. Excusez-la, matin. Mais aussi, la diction est pas facile. ouais, en fait, c'est drôle, tu parles de tirer l'élastique. Puis moi, l'élastique a pété cette semaine, c'est une affaire. Wow, hein, je suis d'adon. Ça va être une belle mise en abîme, d'ailleurs. Ceux qui connaissent pas savent pas c'est quoi les mises en abîme, ouais, pensez à Inception. Oui. Okay, Inception, oui. Des rêves dans un rêve. Une mise en abîme, c'est quelque chose dans quelque chose de pareil. Voilà. C'est comme une grosse parenthèse dans chacune de tes chroniques, finalement. Oui. Exactement. Non, en fait, c'est pas tout à fait ça, mais c'est presque. Oui. Ce qui arrive, c'est que là, je fais une chronique sur les chroniques. Ah, méta! Donc, ceci est une... Ouais, méta, on pourrait dire ça aussi. Ouais. Méta, une méta-chronique. Voilà, donc, j'aime une ça. Chronique à propos des chroniques. Pourquoi je parle de chroniques à propos des chroniques? Pourquoi je fais une chronique à propos des chroniques? Viens-en donc! En parlant de chroniques... Bon.

Ces émoticônes représentant des couples de même sexe tenant par la main le drapeau arc-en-ciel, communément utilisé pour symboliser cette communauté LGBT, sont disponibles sur Line et WhatsApp, des applications très populaires en Indonésie, ainsi que sur les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter. De tels contenus ne sont pas autorisés en Indonésie en vertu de nos principes culturels et nos normes religieuses, et les opérateurs doivent respecter cela, a déclaré à l'agence France-Presse un porte-parole du ministère de la Communication et de l'Information, Ismail Kawidou, hein, qui est aussi connu pour être un des plus grands imbéciles de la planète. Hein? Monsieur Ismail Kawidou, vous êtes un imbécile. Les contenus pro-LGBT sont particulièrement préoccupants dans la mesure où ils sont déclinés sous forme d'émoticônes et de pictogrammes qui pourraient attirer les enfants, a-t-il expliqué. Hey, c'est un malade mental, hein? Ça, on le voit très bien. Ces choses-là sont peut-être considérées comme normales dans certains pays occidentaux, mais ici, en Indonésie, c'est pratiquement impossible. Ben non, il n'y a pas d'homosexuels en Indonésie, ça n'existe même pas. Arrêtez donc de dire des folies. Le ministère donc a ainsi contacté toutes les sociétés proposant de tels contenus, notamment Facebook et Twitter, en leur demandant de retirer ces émoticônes si violents, faute de quoi les applications pourraient être interdites en Indonésie. Line Indonesia a déjà retiré ses émoticônes gays de ses boutiques en ligne et publié un message d'excuse. Line regrette les incidents liés à certains pictogrammes qui sont considérés comme sensibles par bien des gens. Non! Sérieux, vous jouez le jeu des imbéciles. L'homosexualité n'est pas illégale en Indonésie, mais c'est un sujet très controversé. En janvier, l'Université d'Indonésie a ainsi signifié un groupe de soutien à la communauté homosexuelle proposant une éducation sexuelle et des conseils aux étudiants LGBT qu'il n'avait pas la permission d'organiser des réunions sur le campus. Mais c'est légal, hein? Ben oui! Aceste, l'unique province du pays à appliquer la charia, a adopté l'an passé une loi locale sanctionnant de coups de bâton de rotin les homosexuels ayant eu des relations sexuelles prouvées. On va vous battre à coups de bâton. Sérieux, come on. L'offensive contre... Sérieux, vous êtes vraiment des retardés mentaux, en passant, ceux qui appliquent la charia. L'offensive contre les... Puis, sérieux, je l'approuve, ce que je dis. J'approuve ce que je dis. Ça se dit pas, mais je le dis pareil. L'offensive contre les émoticônes reflète une nouvelle atteinte aux droits de la communauté LGBT, a indiqué un important défenseur des droits de l'homme en Indonésie, Ariono, estimant que c'était le dernier d'une série d'incidents récents. Et là, j'ai quelque chose d'assez intéressant ici, c'est les homosexuels dans l'histoire. Hein? Eh bien oui, on parle de Sappho. 600 ans avant Jésus-Christ, cette poétesse grecque a vécu à Mytilène, sur l'île de Lesbos, d'où le terme lesbienne. Elle a aussi donné son nom au saphisme, qui est l'homosexualité féminine. Sappho était mariée avec un homme, mais chez les Grecs, l'homosexualité et le mariage hétérosexuel n'étaient pas du tout incompatibles. Socrate, qui a vécu de moins 470 à moins 399, l'amour de Socrate pour les jeunes hommes était connu. Pareil comme Claude Jutras. Hein? Et il eut notamment pour amant le jeune Alcibiade, qui le pourchassait sans cesse, comme il est décrit dans le banquet. L'amour de cet homme n'est pas pour moi un médiocre embarras. Depuis l'époque où j'ai commencé à l'aimer, je ne puis me permettre de regarder un beau garçon ni de causer avec lui sans que sa fureur jalousie ne vienne me faire mille scènes extravagantes, m'injuriant et s'abstentant à peine de porter les mains sur moi. Donc Socrate, un des plus grands penseurs de notre vie, ben il aimait ça, lui, taponner des petits garçons. C'est de même, hein? Les temps changent, les mœurs changent. Alexandre le Grand, qui a vécu de 356 à 323 avant Jésus-Christ, eh bien, c'est le roi de Macédoine, l'un des plus grands conquérants de l'histoire, mais guerrier et homosexuel sont deux caractères qui ne s'opposent pas du tout à cette époque, et même pas aujourd'hui, hein? Où l'amour des hommes entre eux est bien accepté. C'était même plus normal à cette époque d'être amoureux ou avoir du sexe avec les gens de même sexe, en tout cas chez les hommes. La femme était là pour la reproduction, tout simplement. Alexandre le Grand s'est marié avec une femme et il est demeuré attaché toute sa vie à son amour d'enfance et Phastion. Éduqué comme lui par le philosophe précepteur Aristote, selon Lane Fox, professeur à Oxford et auteur d'une biographie sur Alexandre, ils auraient tous deux été amants. Et c'est pas un secret, ça fait longtemps qu'on en parle. Le plus grand des génies de tous les temps, hein? Léonard de Vinci, de 1452 à 1519, la controverse continue, mais aujourd'hui, la plupart des scientifiques s'accordent pour dire que Léonard de Vinci était sûrement bisexuel. À 24 ans, il a même été accusé de sodomie active envers un jeune homme de 17 ans. Il était par ailleurs entouré de jeunes garçons, dont dont l'un d'eux, Salaï, serait même la muse du visage et ainsi que le sourire de la Joconde. Mais ça, c'est selon l'historien Michel Larivière, mais ce n'est pas tout à fait prouvé. Si je vous parle de Richard Ier, Richard Cœur de Lion, hein, un des plus grands rois de l'Angleterre, Richard Cœur de Lion était amoureux de Philippe II, roi de France. On ne sait pas s'il s'agissait là d'un amour entièrement consommé, mais on sait qu'ils partageaient quand même le même lit. Hein? Richard Cœur de Lion et Philippe II partageaient le même lit. Et ça n'aurait pas été consommé, je vais dire comme on dit, dans le domaine mon cul, hein? William Shakespeare, qui a vécu de 1564 à 1616, le poète anglais a été contraint à 18 ans d'épouser une femme de 18 ans son aînée. Donc, il était avec une cougar déjà là. Mais à peine les jumeaux nés, il s'est enfui sous le règne d'Élisabeth. La sodomie est punie par la peine capitale. Le poète s'était montré prudent. C'est ce que raconte toujours l'historien Michel Larivière, mais certains de ses sonnets sont explicites, comme le 33e. « Homme, tu domines tout de ton état suprême », là je cite Shakespeare, « dérobant les regards des hommes et fascinant l'âme des femmes. Tu fus d'abord créé pour être une femme, puis quand la nature t'eut faite, elle délira et par une addition me frustra de toi. En t'ajoutant une chose dont je n'ai que faire, puisqu'elle t'a donné un membre pour le plaisir des femmes. Donne-leur la jouissance, garde-moi ton amour. » Quand même, hein? Un sonnet assez explicite. Si je vous parle de Louis XIII, qui est né, lui, qui a vécu de 1601 à 1643, eh bien, Louis XIII a épousé Anne d'Autriche, certes, mais il ne l'a pas beaucoup honoré, comme on dit, entre guillemets. Selon les mots de son médecin Jean Hérouard, le jeune Louis XIII a de la honte et une haute crainte à aller voir la reine. Il n'était pas trop safe dans ses petites culottes. Il a ensuite eu un certain nombre de favoris masculins, oui, qui, selon le Vénitien Morosini, étaient là non pour les affaires de l'État, mais plutôt pour la chasse et les inclinations particulières du roi. Il était là, oui, exactement pour les affaires d'État, mais les affaires d'État sexuelles dans le lit de monsieur. Frédéric II de Prusse, lui qui est né, qui a vécu de 1712 à 1786. Donc, l'homosexuel de Frédéric le Grand est le plus souvent absent des manuels scolaires, mais elle est aujourd'hui communément admise par les historiens. Il eut par ailleurs une relation avec Voltaire, celle-là plus platonique, qui s'est finie tristement. Il fit enfermer Voltaire de peur que celui-ci ne divulgue ses poèmes, parfois très audacieux et clairement homosexuels. Après la rupture, Voltaire lui renverra, selon l'historien Michel Larivière, ses décorations et ses ordres accompagnés d'un dernier quatrain assez ambigu. Je vous le cite. « Je l'ai reçu avec tendresse, je vous l'ai rend avec douleur. C'est ainsi qu'un amant, dans son extrême ardeur, rend le portrait de sa maîtresse. » Quand même, belle petite phrase ici. Frédéric Chopin, hein, qui a vécu de 1810 à 1849. Chopin était-il gay, bisexuel? Sans doute, selon l'historien, auteur des homosexuels et bisexuels célèbres, George Sand aurait un jour confié à son ami Grismala, « Il y a 7 ans que je vis avec Chopette comme avec une vierge. » Chopette, c'était Chopin. Son amour de toujours était dénommé Titus, à qui il a écrit en octobre 1849. Et je cite ce qu'il avait écrit à Titus. « Mes médecins m'interdisent de quitter Paris, sinon je t'aurais rencontré quelque part en Belgique. J'aurais tellement aimé que nous passions ensemble un moment de bonheur complet. Je n'ai jamais été aimé comme je l'aurais voulu. » Chopette qui nous a dit ça. Sinon, Gustave Flaubert, « Madame Bovary, c'est moi », la célèbre phrase de Flaubert résonne différemment si on envisage sous l'angle de son homosexualité. Flaubert était-il homosexuel selon Harry Redman, qui a publié le conte « Le côté homosexuel de Flaubert », eh bien, cet écrivain était au moins minimum bisexuel. Certains écrits de sa correspondance sont assez crus à tel point que le premier éditeur de Flaubert aurait supprimé tous les passages concernant l'homosexualité. L'un de ces passages écrit au collège, à son camarade Alfred Poitevin, est assez explicite. Il est écrit « Continuer du désir de sodomite, bandaison dans la culotte pour le beau Morel, intensité lubrique, masturbation réciproque avec Morel. » C'est assez clair, hein? On peut difficilement être plus clair. Sinon, si je parle de Paul Gauguin, dans Paul Gauguin, An Erotic Life, Nancy Mowell, Matthew rapporte une anecdote racontée dans Noah Noah, son journal de bord à Tahiti. Il aurait souhaité être pour une fois l'être passif qui aime et obéit. Peut-être au courant de certains aspects de la vie sexuelle de Gauguin, une Américaine a essayé de détruire les deux Tahitiennes l'année dernière à Washington, la jugeant trop homosexuelle. Et aussi, il ne faut pas oublier, en plus d'être peut-être bisexuel ou homosexuel, Paul Gauguin s'était marié à Tahiti avec une jeune Tahitienne. Une dame de Tahiti en tout cas, qui avait tout simplement 13 ans. Hein? Et puis personne n'en parle aujourd'hui, c'est pas plus grave que ça. Si on parle de Paul Verlaine, hein, deux des plus célèbres homosexuels, je crois, du temps classique, avec le monsieur Arthur Rimbaud, ce célèbre poète, eh bien, l'amour de Verlaine et de Rimbaud ne fait plus de doute, mais il gêne toujours. Certains poèmes de Rimbaud et Verlaine ne figurent toujours dans aucune œuvre soi-disant complète de grandes maisons d'édition. Hein? C'était des livres mis à l'index. Sinon, Marcel Proust, la préférence de Marcel Proust pour les hommes est une des moins ignorées de l'histoire de la littérature. On connaît moins cette anecdote, par contre, quand en février 1897, Marcel Proust provoqua en duel le venimeux et féroce Jean Lorrain, critique de littérature, pour avoir évoqué son homosexualité et révélé en plein jour la relation intime qu'il entretenait avec Lucien Daudet, le fils d'Alphonse Daudet. Fort heureusement, chacun des deux rivaux tira par terre. Ils se sont manqués lors du duel. Si on parle maintenant ici d'une dame, Colette s'entoure de femmes homosexuelles après avoir divorcé de son mari, le critique Henri Gauthier-Villard. Elle aura une liaison notamment avec Mathilde de Morny, fille du duc de Morny, qui devient sa partenaire sur scène. Elle épouse quand même 3 hommes au cours de sa vie et ne fut donc pas toujours éprise que de femmes. Ben oui, ben normal, c'est les humains. Virginia Woolf était l'époque de l'écrivain Leonard Woolf avec lequel elle disait filer un grand bonheur, même si plusieurs biographes ont supposé que leur mariage n'avait jamais été pleinement consommé. Des années après son mariage, elle rencontra en 1922 Vita Sackville-West, poétesse et romancière, et leur relation dura plusieurs années. Sinon, on parle de Francis Bacon. On est rendu en 1909, qui a vécu jusqu'à 92. Difficile d'ignorer l'homosexualité de Francis Bacon quand on connaît un peu ses œuvres, tant la question du corps de l'homme et aussi du corps masculin y est présente. « Ma peinture est le reflet de ma vie », disait le peintre. Il semblerait qu'il ait eu aussi quelques penchants pour le travestissement, selon l'historien d'art Michel Archimbault. Son père l'aurait envoyé du foyer familial à l'âge de 16 ans, après l'avoir surpris en train d'essayer des sous-vêtements féminin, les sous-vêtements de sa maman. Sinon, Jean Genet, qui a vécu de 1910 à 1986, difficile encore d'ignorer l'homosexualité de l'écrivain pour qui connaît son œuvre tant elle inspire tous ses textes, et parfois crûment, comme dans le funambule œuvre dédiée au jeune acrobate Abdallah Bantaga. Eh bien, je cite, il écrit « Bande et fait bander cette chaleur qui sort de toi et rayonne, c'est ton désir pour toi-même ou pour ton image jamais comblée. » C'est assez explicite. Sinon, Alan Turing, terrible histoire que celle d'Alan Turing, ce père de l'informatique dont on vient tout juste de fêter le 100e anniversaire de naissance. Malgré tous les bons et loyaux services rendus, comme la découverte des codes secrets nazis durant la Seconde Guerre mondiale, la Grande-Bretagne le condamna en 1952 pour outrage aux bonnes mœurs en raison de son homosexualité, encore illégale à l'époque en Grande-Bretagne. Il fut contraint à la castration chimique, sanction insupportable qu'il choisit d'éviter en absorbant du cyanure. Ça, c'est une histoire vraiment très, très triste. Michel Foucault, hein, dans la biographie qu'il a faite, Didier Héribon raconte que Michel Foucault vivait très mal son homosexualité. Selon Didier Héribon, quand Michel Foucault rentrait de ses fréquentes sorties dans des bars gays, il restait prostré pendant des heures, anéanti par la honte. Il confessera lui-même que c'est tout de même un problème impressionnant quand on le découvre pour soi-même qu'on est homosexuel. Très vite, ça s'est transformé en une espèce de menace psychiatrique. Si tu n'es pas comme tout le monde, c'est que tu es anormal. Si tu es anormal, c'est que tu es malade. Et il fera alors 2 tentatives de suicide, vraisemblablement liées aux difficultés d'assumer socialement son homosexualité à cette époque. Et finalement, dans les personnages très célèbre homosexuel de l'histoire, eh bien, je vous parle de Joan Baez, qui est pas encore morte, hein, qui est née en 42, grande chanson du folk. Eh bien, cette dame, cette toute petite relation à l'échelle d'une vie, mais elle éclaire d'une certaine manière une partie du combat, de Joan Baez en faveur des droits des LGBT. Elle a reconnu pour la première fois cette relation en 72, une relation d'un an, alors qu'elle n'avait que 19 ans. Par la suite, elle n'aura que des liaisons qu'avec des hommes. Quand même, Alors, c'était les homosexuels de l'histoire. On va maintenant aller en musique avec la nouvelle pièce de Dead Hobbies. Excellente pièce, c'est Where They Ha. Alors, on écoute ça tout de suite dans le Dîner de cons. Let's go, Dead Hobbies. C'est-tu bon? C'est-tu là? On l'a dit? Yes, sir. You say you got drugs, homie, tell me where they at. Oh, you at the club? Where they at? You say you got thugs, motherfucker, where they at? Where they at? Where they at? You say you got drugs, homie, tell me where they at. Oh, you at the club? Where they at? You say you got thugs, motherfucker, where they at? Where they, where they, where they at? Where they at? You say you got drugs, homie, tell me where they at. Oh, you at the club? Where they at? You say you got drugs, motherfucker, where they at, where they, where they, where they at, where they at? You say you got drugs, homie, tell me where they at. Where they at? Oh, you at the club? Where you at? You say you got thugs, motherfucker, where they at? Where they, where they, where they at? Front sur les comptes constants, sur ton Facebook, tap sur ton Twitter, turn click, date straight, shoot, click. Like that he gats, mais quand les cops cognent, des grands canons, where they at? Let's see if you where they at, motherfucker, where they at? Where they at? Pussy claim Montréal, but we still running that. Oh, meilleure chance la prochaine fois. Sitting on top, pitch des rushs chez moi. Motherfucker, à moi. Tout est pareil à tous les autres. On est down, les petits fils, pis ça se pourrait bien qu'ils sautent. C'est le bord du précipice, motherfucker, vas-y saute. Y'a plus personne pour te sauver, tout ce qu'avait ton back. Motherfucker, where they at? Where they at? You say you got drugs, homie, tell me where they at. Oh, you at the club? Where they at? You say you got drugs, motherfucker, where they at? Where they, where the fuck you at, homeboy, where you at? R.I.P. the Royals, Jeffrey Lawyer, where you at? Motherfucker, bring him back, yeah, I'ma bring him back. Keep a Louis in the back, keep it moving like a Uber while we do it in the back. Straight pimping is a fact. Yeah, we been doing that. Sac quite small, Royal en train de crier, where they at? Motherfucker, where you at? I've been grinding out your Houston to Mongo, sick to that. Well, I've been putting work. I'm in the back. Looking for your girl. Sans doute à Montréal, on est parti, on est back. J'étais juste de passage. My baby got back, but I never called back. Like, nigga, where you at? Where they at? Wow. You say you got drugs, homie, tell me where they at. Oh, you at the club? Where they at? You say you got drugs, motherfucker, where they at? Where they, where they, where they at? Where they at? You say you got drugs, homie, tell me where they at. Oh, you at the club? Where they at? You say you got drugs, motherfucker, where they at? Where they, where they, where they at? What you wanna do? Watch me do it. Wish you had it all, I bullet down. Watch you do it. Why should I be gone? Cause the shit's about to shoot. I'm shit shut to shoot it. It's the short shot, let's do it. Let's do it. A sharp shooter, man, quand j'avais shoot, make a wish. Dans les yeux, puis j'y vais pour le switch. A box in this God bless. Hate the players where they at. I mean, see the shop of baby, motherfucker, where they at? Where they at? Fuck boy, where they at? Stick the pay, you same and fuck the mind. Where they at? Put the German. Where they at? Fuck shit, Balper, Farm Thayer. You gotta follow the rules. Gang of sweepy dogs, now they got me all in my mood. Best of shit that got my rig is so upset about it. Fuck boys, now you're passing up the fast and right. Where they at? Where they at? You say you got drugs, homie, tell me where they at. Oh, you at the club? Where they at? You say you got drugs, motherfucker, where they at? Where they, where they, where they at? Where they at? You say you got drugs, homie, tell me where they at. Oh, you at the club? Where they at? You say you got drugs, motherfucker, where they at, where they, where they, where they at? Ben oui, where they at? Where they at? Where they at? Eh bien oui, c'était, on l'a entendu, c'était Dead Obies. Alors, c'est ça, ça vient de sortir, c'est le nouveau vidéo, si ça vous tente. Parce que dans deux semaines, ben, c'est l'apparition du deuxième album de Dead Obies, de ce sextuor rap qu'on dit, influencé par le récent courant West Coast hip-hop américain, notamment par YG, la chanson des voiles des flots de cinq rappeurs, notamment celui de OG Bear, absent du premier extrait, qui était en way, qui a joué encore pas mal ici sur les ondes de C'est Fou. Réalisé par le groupe lui-même est magnifié par le directeur photo John Londono. Le clip reste fidèle à la tradition hip-hop en offrant un décor sobre, en mettant l'accent plutôt sur l'énergie et l'attitude badass un peu thug des gars de Dead Obies. Mais je pense que, pas je pense, il joue le jeu, puis ça marche. Très attendu, ce deuxième album du groupe originaire du Sud Salle du Québec apparaîtra donc le 4 mars prochain, partiellement enregistré devant le public au Centre Phi, lors des trois spectacles donnés à guichet fermé en octobre dernier. Gazam Tomskwerk sera la troisième parution d'envergure du hip-hop québécois depuis le début de l'année, après les excellents albums de Brown et de Corias. Le lancement aura lieu le 10 mars prochain au National. Les billets sont en vente. Les liens sont là via la page Facebook du Dîner de Con. Très facile de vous y rendre. Dans un autre tout à fait style de musique, mais toujours avec... en parlant de musique, on va rester avec ce lien. Eh bien, c'est Roger Water, hein, célèbre bassman et maître à penser derrière Pink Floyd à l'époque, qui prépare un grand spectacle opéra pour les 375e anniversaire, le 375e anniversaire de Montréal. Donc, le fondateur de Pink Floyd, ben, un des fondateurs de Pink Floyd, devrait-on dire et devrait-on lire ici. Roger Water organise donc un grand spectacle opéra tiré du film et du disque The Wall pour les fêtes des 375 ans de la ville de Montréal en 2017. Le spectacle est organisé par l'Opéra de Montréal et les détails seront dévoilés le 3 mars lors d'une conférence de presse. Le quotidien Le Soleil de Québec a rapporté en novembre 2015 que l'Opéra de Montréal fera une version de The Wall avec le texte anglais et avec une nouvelle musique par un compositeur de Québec, un homme du nom de Julien Bilodeau. Selon Le Soleil, Roger Water est en contact constant avec France Desmarais Chrétien, présidente et membre du comité exécutif du 375e de Montréal. Madame Desmarais Chrétien sera présente avec Roger Water pour la conférence de presse, de même que Gilbert Rozon, président et fondateur du groupe Juste pour rire. Quand même, hein, de la grosse patente, c'est... on n'a pas été chercher le dernier venu. La direction de l'Opéra de Montréal a transmis la convocation de presse mardi après-midi. Le The Wall de Pink Floyd est sorti en 79. Il s'agit d'un des albums les plus marquants du 20e siècle. Un des seuls aussi, quand quelqu'un dit « Ah, moi, je connais ça, Pink Floyd », souvent, il connaît juste The Wall. Mais quand même, une très, très bonne nouvelle. Et puis, c'est tant mieux pour la ville de Montréal et pour tout le Québec, finalement. Il y a les Saintes Kim Kardashian qui défient les lois de la gravité, mais bon, détrompez-vous, il y a un truc. Kim Kardashian a toujours une astuce pour ses fans. Qu'est-ce que c'est ça? On va baisser ça. Donc, Kim Kardashian a toujours une astuce pour ses fans. Et mercredi, donc hier, Kim expliquait comment faire tenir ses seins dans un décolleté plongeant sans porter de soutien-gorge. Le secret, c'est bien simple, du scotch, beaucoup de scotch tape. Moi, je dirais même du duct tape quasiment rendu là. Donc, la star de la télé-réalité a publié une photo d'elle sur Instagram où elle démontre tout à fait son truc sur son compte Instagram, sur sa photo. Tu la vois, elle a les seins comme presque... ben, elle est en poitrine, là, elle a la poitrine dénudée, mais on voit rien parce qu'elle s'est remontée les boules avec du scotch tape, elle sort tapé ça en haut, et puis effectivement, ça tient comme tout seul, ça donne une poitrine majestueuse, mais on voit quand même qu'il y a un petit truc derrière ça, mais j'aime quand même mieux ces trucs-là que de la chirurgie esthétique. C'est quand même juste du scotch tape sur un sein. Il me semble que quand tu l'enlèves, ça doit faire mal, hein, s'il vous plaît. Mais bon, allez voir ça. En plus, vous allez voir toute une craque, là, ça c'est clair. Il y en a plus à voir sur l'application de Kim Kardashian. Découvrez aujourd'hui sur mon application l'astuce ruban adhésif que j'utilise depuis des années pour mon décolleté des tapis rouges. C'est ce que commente la femme du ridicule Kanye West. Kim Kardashian n'est pas la première à dévoiler cette astuce pour éviter de connaître la même mésaventure que Janet Jackson ou même de Sophie Marceau. Sophie Marceau a les plus beaux seins du monde dans cette, ce fail, ce nipple gate, hein, qui avait eu lieu. comparé à Janet Jackson, c'était vraiment pas beau, là. Mais Sophie Marceau, vous irez voir ça sur YouTube, très facile à voir, lorsqu'un saint se sauve de son chemisier devant les photographes. Mais il faut bien avouer que Kim Kardashian n'est pas avare en scotch pour arriver à ses fins. Ben c'est clair, parce qu'elle a quand même quelque chose à retenir ici. Vous irez voir ça, vraiment très, très particulier. Donc, elle a une application, Kim Kardashian. Ça, je ne savais pas qu'il y avait une application comme ça. Mais bon, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Les liens, par contre, sont disponibles via la page Facebook du Dîner de cons. Colère du pape François contre un admirateur trop empressé. Le pape François a été vu mardi en train de s'en prendre avec colère à un fidèle un peu trop enthousiaste qui l'avait fait tomber sur un enfant en fauteuil roulant à Morelia au Mexique, selon les images d'une courte vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Le pape, à 79 ans, venait de présider une célébration dans un stade d'une atmosphère survoltée en présence de plus de 100 000 jeunes à l'issue d'une longue journée très, très harassante. Le pape François s'est rendu auprès d'enfants handicapés au premier rang de la foule. Derrière les enfants, des jeunes debout, pleins d'enthousiasme, veulent tous saluer le pape et lui réclament aussi des chapelets. Des bras alors sont tendus vers le pape. On tente de l'attraper alors qu'il est penché sur un enfant malade. Il s'agace un instant, puis sourit et distribue quelques chapelets, jusqu'au moment où François finit par perdre l'équilibre et finit par chuter sur l'enfant en fauteuil roulant. Le pape se redresse, esquisse un sourire, mais son visage s'assombrit très vite. Face à lui, les fidèles semblent insister. « Ne sois pas égoïste, ne sois pas égoïste », lance-t-il. Alors, il a la main levée et un air rageur à un fidèle dont on ne voit pas le visage. Puis, il se calme aussitôt et son sourire revient. Une réaction humaine et normale face à l'enthousiasme un peu trop excessif de certains fidèles, a commenté le porte-parole du Vatican, le père Federico Lombardi. Le pape reconnaît qu'il est coléreux et il a expliqué plusieurs fois qu'il se mettait en rage, mais que ses colères ne durent pas. Le pape venait d'embrasser et d'accueillir avec chaleur de nombreux jeunes, dont deux jeunes filles trisomiques, qui avaient couru vers lui sur le podium et qu'il avait longuement prise dans ses bras. Hey, on peut pas trop en demander là, au pape. À un moment donné, c'est juste quand même un humain, même si on voudrait qu'il soit le représentant. Ben, c'est le représentant de Dieu. Là, je dis des choses là, sur la terre, mais c'est quand même un homme. Faut pas l'oublier. Hein? Un jeune homme met plus de 100 concurrents. Attends un peu. Met plus de 100 concurrents au départ d'un circuit à une course Super Mario. Mario Kart, pardon. Ça doit être la marde. Donc, âgé de près de 25 ans, la licence Mario Kart a été sujette à toute forme d'hommage et de détournement de la part des jeunes. Des joueurs, pas des jeunes. Celui-ci, pourtant, a de quoi surprendre par son originalité. C'est le YouTuber @lovinggamer qui s'est en effet amusé à placer 101 joueurs sur un circuit censé normalement en compter simplement 8. Une prouesse qui, comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête d'article, entraîne un sérieux embouteillage. Au-delà du célèbre jeu de cartes, cette création de style rétro rend hommage aux jeux vidéo dans son ensemble. Sur le circuit, on peut aussi croiser des anciens Bomberman et Pac-Man, mais aussi des héros modernes comme Kratos ou Pikachu. Un seul regret, c'est que ce détournement loufoque ne soit pas véritablement un jeu, mais une animation. Ah, que c'est triste, hein, comme ça. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. C'est le moment d'accueillir Frère Bernard. Frère Bernard, voici Google Globe. J'étais proche de l'avoir, la voix, quand même. J'étais proche. Frédéric Bernard, bonjour à toi. Hey, bonjour. Est-ce qu'il y avait des vidéos de chat encore sur l'ordi de Tania? Non. Je regardais par-dessus son épaule pour voir récents résultats de recherche. Fait que... C'est quoi tes récents résultats de recherche? Ben, je continue à lire sur le sujet que je suis censé discuter tout à l'heure. Ouais, si ça rentre. Ouais, c'est ça. Ah, ouais. Donc, 15 Frédéric, minutes. Frédéric, Bernard, on t'a entendu gratter ta barbe dans le micro et nos micros sont tellement sensibles qu'on entend. Ah ouais. Pourtant, j'ai pas de barbe. C'est à quel point ils sont sensibles?

Ah oui, ouais. Le film t'a pas rassasié. Non, ça compte pas. Ça ne semble pas être... Quel film? Quel film? Oh, il fait comme s'il n'existait pas. Ouh, c'est la, dur! La. Méchant! Voilà, on a fait le tour des 22 pages de résultats sur Google. Pour cette question, qu'est-ce qu'il y a de bon comme série télé? J'espère que ça vous a aidé. Je pense que oui. J'espère, moi aussi. Sinon, ta mission n'est pas remplie. T'es un anti-héros. Tant pis. Espèce de LED pool. C'est ça. On te retrouve, Frédéric Bernard, la semaine prochaine, mercredi, dans le coin de 8h30, entre 8h30 et 9h, éventuellement, ça finit par commencer un jour. Oui. Ça finit jamais par finir, par contre. Je fais de mon mieux. Tu fais toujours de ton mieux et c'est toujours apprécié parce que nous, on trouve que tu fais du bon travail quand même. Avec ton cache-cou orange fluo. Oui. On dirait un personnage de Pretty Little Liars. Est-ce qu'il colle en vert et un tuturon? Non, j'ai le cache-cou simplement pour montrer mon allégeance à mon équipe de la Lime. Les oranges. Ok, t'es pas en ergo. Non. Comme les gens oranges. Ou en ingénieur. En ingénierie, ils sont oranges aussi. Oui. T'es pas Rona non plus. Non plus. Les oranges aussi. Non, je sais pas Ziggy. T'es pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Orange. Ouais. Tropicana. Ouais, Orangina. Tropicana. Ouais, Orangina, c'est vrai. Ouais. Ouais. Bref. Voilà, c'est okay. Pour... Ok. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est Fou. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Je vous parle du Titanic 2. Non, c'est pas un film, le Titanic 2, où peut-être que la fin serait différente. Cette fois-ci, c'est le Titanic qui gagne et c'est le iceberg qui coule. Non, c'est le projet fou d'un milliardaire australien. On en avait parlé il y a quelques semaines, il y a quelques mois, je dirais, à l'automne, au début de la saison, en 2015, là. Et puis, ça se concrétise. C'est 106 ans après le naufrage qui a inspiré ce film, le film mythique, oui, avec Leonardo DiCaprio et Kate Winslet, qui a laissé mourir Leonardo comme ça dans l'eau glacée de l'Atlantique. Donc, le Titanic 2 devrait effectuer son premier voyage en 2018. Le projet un peu fou du milliardaire australien Clive Palmer devrait se concrétiser. Selon Gala, ce projet est de reconstruire le fameux navire qui a coulé en 1912, lors de sa première traversée de l'Atlantique. Le Titanic 2 sera un bateau où le rêve devient réalité, a déclaré M. Palmer. Sinon, on vous envoie plusieurs images de ce que le Titanic devrait avoir l'air. On voit les cabines de première, de troisième classe. C'est dans un luxe pas possible. Des bains turcs, de superbes ascenseurs. Vraiment un côté très, très colonial, on pourrait dire. Café parisien, le grand escalier, etc. Donc, allez voir ça, les photos du Titanic 2 en tête d'article sur la page Facebook du Dîner de con. Il y a le marché de l'immobilier de Vancouver est complètement fou et je vous en envoie la preuve ici en photo. Le prix de l'immobilier au Canada a bondi de 17% en un an et peu d'endroits représentent aussi bien cette hausse magistrale que la ville de Vancouver. La plus grande ville de l'Ouest canadien donc a vu le prix de ses propriétés grimper de plus de 30% en un an et est maintenant considéré comme un des trois marchés les moins abordables du monde. Seuls Sydney et Hong Kong font pire ou mieux, comme vous voulez, diront certains. Donc, Vancouver, troisième ville où ça coûte le plus cher de s'installer. Au-delà des chiffres, c'est le prix d'une maison qui a récemment été vendue à Point Grey, un des quartiers les plus chers de la ville. Et ça donne le vertige. C'est une petite demeure construite en 1930 et installée sur un terrain d'une largeur de 10 mètres qui a été mise sur le marché pour la modique somme de 2,4 millions de dollars. OK... Elle a été vendue pour 80 000 $ de plus, selon Global News. Donc, on a eu presque 2,5 millions de $ pour cette demeure. Et sérieux, c'est pas pour être baveux. Quand tu vas dedans, elle est super cute, mais de dehors, ça ressemble à une dompe. Là. Ça ressemble à un shack, même pas un chalet. Ça ressemble à une remise. Et j'en suis très, très... je suis très sérieux. La description de la demeure sur le site roo.ca parle de quelques améliorations depuis la construction initiale, d'une belle vue sur les montagnes qui avoisinent la ville et d'une suite indépendante au sous-sol. À l'œil, on la décrirait plutôt comme une vieille maison presque décrépite qui mérite d'être tapée en entier ou même être détruite. Faites-vous votre notre propre idée grâce aux photos de la galerie en tête d'article de cet article donc, sur la page Facebook du Dîner de cons. Tous les liens sont via cette page. Comme j'ai dit, l'intérieur est plus intéressant que l'extérieur, ça c'est clair, mais c'est quand même presque un taudis pour 2,4 millions de dollars. Bonne chance. Un acteur tué par une épée lors d'une répétition. Un acteur est mort poignardé par une épée de samouraï véritable ou factice. Là, c'est pas grave. Pourquoi qu'on le dit, hein? Une épée de samouraï véritable ou factice, on ne sait pas. Lors de la répétition d'une pièce dans un studio de Tokyo, la police enquêtait pour déterminer si la mort était accidentelle ou criminelle. Des médias ont indiqué que plusieurs acteurs répétaient une scène d'action lorsque l'homme a été poignardé lundi et que personne n'avait vu exactement ce qui s'était réellement passé. Le diffuseur public NHK, a rapporté que les autres acteurs avaient vu Daigo Kishino recroquevillé blessé à l'abdomen après s'être retourné en attendant un gémissement. Daigo Kishino, 33 ans, était un acteur faisant partie de la troupe de théâtre Centre-Ville de Tokyo. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital, mais est mort quelques heures plus tard. La police n'a pas décrit l'épée. Elle n'a pas révélé si elle avait pu comporter des dispositifs de sécurité pour prévenir les blessures durant le tournage. Une histoire à suivre. Une femelle orang-outan qui est demeurée complètement bouche bée en voyant une mère donner le sein à son bébé. Quand même assez intéressant si l'ordi peut dégeler. Cette femelle donc orang-outan est demeurée bouche bée en voyant la mère donner le sein. En cherchant un lieu tranquille au zoo pour donner le sein à son enfant, Elizabeth Hunt Barrett ne savait pas qu'elle attirait une spectatrice. L'orang-outan m'a regardé droit dans les yeux et elle est restée pour voir ce qui se passait. C'est ce que raconte Madame Barrett, qui avait décidé d'aller au zoo de Melbourne en Australie pour célébrer l'anniversaire de sa fille aînée. La mère a publié sur Facebook cette image d'un moment cocasse en expliquant que son fils de 13 semaines a commencé à avoir faim lorsque la famille est arrivée à côté de la cage où vivent les orang-outans. Je cite son message sur Facebook. « Je voulais seulement partager avec vous cette merveilleuse expérience d'allaitement en célébrant le 3e anniversaire de ma fille au zoo de Melbourne. Mon plus jeune de 13 semaines a commencé à avoir faim lorsque nous sommes arrivés à l'enclos des orang-outans. Je suis allé dans un coin tranquille, loin de la foule, pour le nourrir et ceci est arrivé. Cette maman est venue m'observer, elle est restée jusqu'à la fin. C'était un moment magique et magnifique. Maintenant, tout le monde à Melbourne, pas tout le monde, mais a une photo de moi donnant le sein. Une personne a vu ce qui s'est passé, le mot s'est répandu et les gens ont afflué pour voir la scène. Je me sentais comme une exposition. Je suis heureuse d'annoncer qu'il n'y a pas un seul commentaire négatif et désobligeant à l'effet que je donnais le sein en public. Une scène magnifique, vraiment une scène... génial entre mammifères, c'est le cas de le dire, même entre grands primates. Ce qui est certain, c'est que la femelle orang-outan, visible dans la photo, n'a pas été le seul singe à s'approcher par curiosité. Au début, il n'y en avait qu'une, mais par après, un autre, un peu plus âgé, est venu tout en tentant d'éloigner la première. La femelle orang-outan est par contre revenue et elle m'a fait un signe semblable à un geste de salutation. C'était quelque chose de totalement incroyable, explique Elizabeth Hunt Barrett lors de son entrevue radiophonique. Cette scène n'est pas surréaliste puisque plusieurs espèces de primates maintient un lien maternel étroit. La relation entre la mère orang-outan et son petit est l'une des plus fortes dans la nature. Selon la World Wildlife Fund, la WWF, non, c'est pas la lutte. Les orang-outans restent près de leur mère jusqu'à l'âge de 6 ou 7 ans et les femelles vont visiter leur progéniture régulièrement jusqu'à ce qu'elles atteignent 15 ou 16 ans. J'adore ça quand il y a des liens comme ça très forts entre les animaux. C'est ça. Allez voir ça, bien, bien intéressant. Et pour les dames, il y a un petit article en bas. C'est pas un article, c'est un diaporama en bas de cet article qui vous donne 6 trucs pour tirer son lait à l'extérieur. Alors, vous irez lire ça, ça m'intéressait pas tout à fait là, de vous envoyer ça ce matin. Des skieurs tombent nez à nez avec un léopard des neiges. C'est à voir, il y a une vidéo en plus. On pense jamais à cet autre danger du ski hors-piste, tomber à nez avec un léopard des neiges ou avec toute autre créature, peut-être un qui peut être sauvage. Hein? C'est pourtant la rencontre exceptionnelle d'un groupe de skieurs qui s'est faite en Inde ces derniers jours. L'once, également nommé le léopard ou panthère des neiges, est un félin solitaire qui se cache des hommes comme des autres animaux. Il est donc très rare d'en croiser et encore plus d'en filmer un, surtout par hasard. Le félin à la fourrure grise tachetée était accroupi dans la poudreuse près de la station de ski de Gulmarg dans l'état de Jammu et Cachemire au nord de l'Inde. Le skieur qui tient la caméra s'appelle Owen Lansbury. Murray. C'est un Australien de 42 ans qui faisait partie d'un groupe de 5 personnes. Lorsqu'il a remarqué l'once bien camouflé dans la neige, ce chanteur a publié cette courte vidéo sur son compte Facebook et est devenu rapidement viral avant de publier une séquence plus complète sur Vimeo. Je cite le monsieur Owen Lansbury. Il dit « Je me suis arrêté juste quand il est sorti. Juste quand il s'est blotti dans la neige. Il y est resté une bonne minute à nous observer. » Ensuite, il a laissé échapper un puissant rugissement et a bondi et dévalé la piste avant de couper dans la forêt où nous pensons qu'il a probablement une tanière. Et ça, c'est de l'information. Alors, vous irez voir ça parce que la vidéo est magnifique et ce léopard des neiges, waouh, au poil long. Effectivement, on n'a pas vu de si beaux félins très, très souvent. Un dessin signé Justin Trudeau a été vendu aux enchères pour 25 000 $. Il y a quelque temps, on en parlait ici même au dîner de cons. On disait que ça allait être mis en vente pour une organisation caritative. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là, je vous rappelle, c'est une esquisse à l'aquarelle dessinée par le premier ministre Justin Trudeau qui a été achetée pour la modique somme de 25 000 $ lundi dans le cadre d'une vente aux enchères eBay à l'appui des Amis du Musée canadien pour les droits de la personne. Justin Trudeau a réalisé le dessin du Musée canadien pour les droits de la personne lors d'une visite à Winnipeg le printemps dernier, avant son élection comme premier ministre. L'esquisse, qui a été évaluée à 2000 $ a attiré l'attention de 26 soumissionnaires qui ont quand même fait 81 enchères pour ce dessin. Il y a beaucoup de gens qui le voulaient. L'historien d'art et ancien président de Sotheby's Canada, David Silcox, a déclaré que du point de vue technique, l'œuvre est d'un calibre professionnel. J'avoue que c'est un beau dessin. Le sujet est moins intéressant, mais l'exécution est bien. L'exécution de l'esquisse est précise ainsi que disciplinée et son impressionnante perspective artistique est juste, dit-il. En mars 2015, des impressions de l'aquarelle en format 4 postales avaient été remises aux donateurs et donatrices du Parti libéral du Canada. Gail Asper, promotrice du musée et présidente de la campagne de financement national, a ensuite demandé au futur premier ministre de faire don du croquis original aux amis du musée. L'œuvre encadrée et signée mesure 41 cm sur 31 cm. Elle est accompagnée d'une citation tirée d'un discours livré par le premier ministre Trudeau dans le cadre du défilé de la Fierté gay de Montréal en août 2015, ainsi que la note personnelle du premier ministre à Gail Asper. Et je vous lis la note. Il est écrit « En tant que Canadien et Canadienne, nous savons que la protection et la promotion des droits fondamentaux de la personne doivent être un impératif aussi bien pour les gouvernements que pour les individus. » Signé Justin Trudeau, premier ministre du Canada. Le soumissionnaire retenu à 3 jours après la clôture de l'enchère pour payer l'esquisse, sinon il sera cédé au prochain enchérisseur ou remise en vente. Quand même, bonne chose. Et puis, c'est pour la bonne cause. C'est pour les amis du musée. Je vous envoie ici quelques raisons pourquoi faire l'amour. Hein? Je vous donne plusieurs raisons. Ça soulage tout. Hein? La sexualité, lorsque pratiquée dans les règles de l'art, peut avoir plus de bénéfices que le simple fait d'avoir un orgasme. Ça peut régler l'insomnie. Hein? Vous n'arrivez pas à dormir, vous ne cessez de tourner sur vous-même et proposez plutôt à votre partenaire de vous amener au septième ciel. En plus de l'effort physique qui aidera à vous relaxer, une relation sexuelle vous permettra de sécréter de l'oxytocine, un élément chimique qui vous aidera à trouver rapidement le sommeil. Pour éviter les rhumes et les grippes, eh bien oui, il est prouvé scientifiquement que ceux et celles qui ont 2 orgasmes par semaine développent davantage d'anticorps les aidant à lutter contre la grippe et ou le rhume. Toutefois, n'exagérez pas, car étrangement, ceux qui ont plus de 2 orgasmes par semaine ont le même taux d'anticorps que les gens qui ont eu moins de 2 orgasmes par semaine. Donc, 2 fois par semaine, la baise pour la santé, c'est l'idéal. Baiser aussi vous rendra un meilleur amant. Hein? Vous ne pensez pas à l'origine de performances dignes de mention au lit, eh bien, saviez-vous qu'il n'y a rien comme la pratique afin de s'améliorer? Alors, pratiquez-vous et vous verrez que les performances ne risquent que de s'améliorer. En plus, ça pourra compter comme de l'activité physique. Excellent! Le meilleur exercice qui n'est pas demandant et puis que tu as le goût de faire à peu près tout le temps. Le hockey aussi, outre la gorgée d'eau et le fait de retenir son souffle, il existe 2 autres méthodes très efficaces pour arrêter un hockey. La première consiste en un massage rectal. C'est vrai, il est écrit. Sinon, un orgasme devrait vous guérir rapidement de votre hoquet. Alors, le massage rectal, la prochaine fois que vous êtes en public, vous avez un hoquet qui est impossible à éliminer, ben pensez au massage rectal. Sinon, pour la prostate, si vous êtes un homme et que vous avez plus de 21 orgasmes par mois, et là, si on y va avec 2 par semaine, un mois, ça fait 4, ça fait 8, c'est clair que non. Donc, il y a de quoi qui ne marche pas. Là. Si on a 21 orgasmes par mois, on réduit... tantôt, c'était quoi que ça nous donnait? Ça évite les rhumes, ça réduit nos anticorps. Mais par contre, ça va réduire ainsi aussi vos chances d'être atteint d'un cancer de la prostate. Avec 21 orgasmes par mois, c'est quand même pas mal. Tu sais, c'est il y a 31 jours, c'est presque à tout... Ben, en tout cas, minimum, c'est plus qu'aux 2 jours, ça c'est sûr. En effet, chaque fois que vous éjectez du même coup les éléments cancérigènes, on dit pas cancérogènes, non, qui s'accumulent dans votre prostate. Si vous avez des problèmes d'humeur, hein, si vous avez de la difficulté à retrouver votre sourire, tout ce qu'il vous faut, ce sont des endorphines et des oxytocines. Mais comment en trouver? Eh bien, vous connaissez déjà la réponse, un bon orgasme. Le stress, eh bien, chaque fois que vous avez un orgasme, la zone située dans votre cerveau où est géré le stress est instantanément régulée. Et la gueule de bois, elle, bien qu'aucune étude scientifique sérieuse ne le démontre, tout porte quand même à croire qu'un orgasme peut aider à réguler la testostérone d'un homme au lendemain d'une soirée arrosée. Une baisse significative de la testostérone serait un des éléments qui pourrait causer cette fameuse sensation des lendemains de veille. Vous venez d'entendre les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Vous avez aimé ça? Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Vous pouvez aussi écouter C'est fou en direct et télécharger les balados-diffusions sur cfou.ca.